Là, il enregistre. Est-ce que je peux demander quelque chose? Comme il y a des gens que je connais, il y a des gens que je ne connais pas. Bien, bonjour à tout le monde. Merci d'être venu pour cette dernière séance donc, du séminaire sur les conceptions contemporaines de la domination. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Collot-Hélène, qui enseigne la philosophie à l'université de Rennes 1. Vous n'êtes pas des géographes, excusez-moi. Non, nous ne sommes pas des géographes, madame. On voudrait bien, mais pas de problème. Non, quand même pas. Mais... Donc, elle enseigne la philosophie à l'université de Rennes 1 et elle est responsable de l'équipe de recherche 1270 Philosophie des normes. Ses thèmes de recherche portent sur la philosophie politique, l'épistémologie des sciences sociales et la philosophie allemande. Elle a notamment publié Le désenchantement de l'État, édition de Minuit 1992, La sociologie de Max Weber, édition La découverte, collection Repères en 2006, et le dernier en date, La démocratie sans démos, donc Presse universitaire de France 2011. Elle est aussi l'auteur de nombreux articles sur la sociologie de Weber, là où les rationalités modernes, la théorie des droits subjectifs, le pouvoir et la démocratie, les rapports entre politique et philosophie, la pensée politique allemande. Et donc on l'écoute aujourd'hui sur un thème, un titre de conférence qui est « Les puissances anonymes ». Donc, disons, en gros, on répartit les choses un peu comme d'habitude, trois quarts d'heure, une heure, ou même un peu plus de conférences, pas très important, et le reste consacré à la discussion. Donc, je la remercie à nouveau d'avoir accepté notre invitation, et je lui cède tout de suite la parole. Bon, merci pour la présentation, merci pour l'invitation. Je pense que s'il ne faut pas que ce soit trop long, je vais essayer de pas être trop long, parce que c'est quand même la discussion qui est intéressante, mais un point de départ. Alors, quand j'ai accepté cette invitation, j'ai donné effectivement pour titre « Les puissances anonymes ». Et là, je l'ai rebaptisé « Les pouvoirs impersonnels ». Je vais vous dire pourquoi. Si je me souviens bien, la série, cette année, portait pour titre, il me semblait que je l'avais vu à un moment, « Les dominations systémiques ». Non, il n'y a pas eu ce titre qui a traîné un moment. Il a disparu ? Non, je n'ai pas vu. Il y avait des séances qui étaient contre. Liées aux dominations systémiques. En fait, donc, c'était, quand on avait discuté avec Katia, c'était cette thématique qui m'avait inspiré ma proposition de titre. Et puis, en travaillant sur la chose, sur laquelle je travaillais déjà, mais que je n'avais pas encore véritablement élaboré, j'ai légèrement modifié mon titre. Je vais expliquer pourquoi, donc, pouvoir impersonnel et non pas puissance anonyme. Je pense que je vais assez longuement expliquer pourquoi je préfère parler de pouvoir ou de puissance que de domination. Je dis domination puisqu'il est déjà, j'avais été branché sur le thème par le libellé domination systémique. Quant à la substitution du qualificatif impersonnel à anonyme, je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui. En fait, elle est l'indice d'une question qui pour moi reste encore ouverte. Question de savoir si les pouvoirs impersonnels, et il sera question du marché et de la bureaucratie, même si je ne pourrais pas développer et la comparaison et la différence, c'est une question ouverte de savoir si les pouvoirs que je qualifie d'impersonnels doivent être ou non considérés comme anonymes. Bon, une partie de mon argumentation, une thèse assez centrale, et que vise plus exactement à souligner que la responsabilité d'agents bien identifiables est engagée, sinon dans l'existence, du moins dans les structures particulières que les puissances impersonnelles, disons marché, disons bureaucratie, revêtent à tel ou tel moment. Et par ailleurs, il est vrai que les puissances en question, à la différence de l'État, ne se prêtent pas à la personnification. Je veux dire que là, je touche à quelque chose que j'aurai l'occasion, non pas d'aborder aujourd'hui, mais que j'ai bien l'intention de travailler, qui est le problème traité notamment par les juristes à la fin du 19e, début du 20e, avant d'ailleurs, enfin c'est sur ce domaine-là que je travaille, concernant les personnes morales, la possibilité de... Bon. Or, l'État, ça a été discuté, mais enfin un certain nombre d'auteurs ont justifié ce genre de personnification. On peut les traiter comme des sujets collectifs au sens où une responsabilité éventuellement juridique, ou plus largement d'action, peut leur être imputée. C'est moins évident pour ce dont je vais traiter sous le nom de puissance impersonnelle. Donc ça, c'est un nœud de difficulté. Donc, le fait de parler d'impersonnel plutôt d'anonyme, c'est un nœud de difficulté pour moi, dont je ne sais pas s'ils sont purement sémantiques. Un peu de rhétorique dans une page, et puis je vais écarter la question, ou pas. Et j'en parlais dans un autre contexte il y a Et dans un autre lieu aussi, d'ailleurs, c'était la Villa Vigoni au bord du lac de Côme. La vue était un peu différente. Bon, il y a 10 jours, et avec des collègues weberiens, et après, il y a un collègue... Je parlais tout autre chose, mais la question de pouvoir impersonnel, pouvoir anonyme du terme a été levée. Et un collègue italien est venu m'expliquer que j'allais trouver des choses très intéressantes là-dessus. Pas dans les œuvres de Weber que je connais mieux, ses travaux sur l'histoire des sociétés commerciales au Moyen-Âge. Bon, c'est pas, je connais l'existence de la chose, je ne peux pas dire que ce soit le travail que je connais mieux, mais il faisait remarquer qu'il est question là-dedans des sociétés par action, et que la société par action, d'une certaine manière, est anonyme, et qu'en même temps, l'individu actionnaire qui vient, je me disais, je trouverais là-dedans des analyses sur le fait que l'individu actionnaire, il est bien identifié. Donc, où s'étend l'anonymat, quel est son périmètre. Bon, je laisse ça de côté pour l'instant. C'est peut-être plus compliqué que je ne le pensais. Je pensais que c'était simplement une question sémantique, de plus compliqué. Bon, ce que je vous présente, donc, c'est un morceau d'un travail engagé sur, et encore indéfini dans son ensemble, sur les formes contemporaines des pouvoirs politiques et autres. Travail en cours, donc l'exposé donnera une impression d'inachèvement. Je l'avais d'abord pensé en deux moments. Et en fait, je vais me limiter au premier, j'esquisserai simplement pour donner l'enjeu, hein, la thématique du second, soit au cours de mon exposé, soit tout à la fin ou dans la discussion. Ce premier moment, donc, qui va constituer la substance de mon exposé aujourd'hui, concerne la notion même de pouvoir impersonnel, c'est-à-dire les métaphores dans lesquelles ces pouvoirs ont été pensés, et les figures qui en sont tenues pour l'incarnation. J'en reste pour l'instant, si vous avez d'autres propositions à me faire, je veux bien, j'en reste pour l'instant au marché d'un côté, à la bureaucratie de l'autre. Et je parlerai essentiellement du marché. Donc, réflexion sur cette notion de pouvoir impersonnel, qui doit passer par une réflexion sur la notion de pouvoir en général, et du rapport de cette notion, mais vous allez sans doute retrouver des choses que vous avez eu l'occasion d'aborder déjà, rapport donc de cette notion avec celle de, au pluriel, de domination, d'autorité et de puissance. Alors, l'examen de ces notions aboutira à la conclusion que les pouvoirs que nous qualifions d'impersonnels, ou d'anonymes, ou de systémiques, ou de structuraux, ne sont, bon, à charge de faire des différences entre ça, mais je ne le fais pas maintenant, ne sont jamais à strictement parler impersonnels, si l'on entend par là qu'ils n'engagent la responsabilité de personne. Ça va être mon leitmotiv. Cela n'empêche pas, et ça aurait été plutôt la seconde partie de mon exposé, cela n'empêche pas qu'ils puissent être vécus comme tels, c'est-à-dire que certains aspects de la vie sociale se présentent comme des pouvoirs impersonnels, résultant de l'action collective des êtres humains et échappant pourtant à leur maîtrise. Et ce qui m'intéresse, même si dans un premier temps, vise à montrer qu'il n'y a pas de pouvoir à strictement parler impersonnel, à rigoureusement parler impersonnel, il demeure que, dans un second temps, je commence à travailler sur les effets de la représentation des pouvoirs impersonnels sur la constitution des subjectivités politiques. Qu'est-ce que ça fait au sujet politique que le pouvoir politique lui dise « en fait, je ne fais que transmettre des contraintes systémiques ». Qu'est-ce que ça fait sur les formes de subjectivation politique, capacité d'action, etc. Bon, donc, essentiellement aujourd'hui, les pouvoirs impersonnels, réflexion sur le concept. Pouvoir, puissance, domination, violence. Il y a en langue allemande notamment, bon, je suis spécialiste de philosophie allemande, qui plus est, je suis en ce moment en Allemagne en train d'essayer d'exploiter les richesses des bibliothèques pendant que je les ai sous la main. Mais aussi, je crois, il y a en langue allemande une littérature sur la notion de pouvoir qui est particulièrement abondante. Si il y a des gens que ça intéresse, je vous donne quelques titres, mais je laisse ça de côté. Il y a des gens qu'on connaît bien, bon, entre autres la fameuse définition de Weber. Les définitions de Weber sur lesquelles je vais revenir ont évidemment alimenté des commentaires, mais il y a des auteurs qui sont nettement moins connus, comme Popitz, qui là-bas pour eux est essentiel et qui n'ont pas véritablement entré, je crois, dans le fond commun des références en France. En France, il y a aussi une littérature en langue anglaise. En français, un peu moins, me semble-t-il, mais... Encore une fois, informations bibliographiques, je les accepte bien volontiers, à l'exception de l'ouvrage de Bertrand de Jouvenel, « Du pouvoir, histoire naturelle de sa croissance », qui dormait depuis un certain temps dans la bibliothèque, sans doute parce que comme il est bien catalogué à droite, je n'avais pas daigné entrer dedans, et qui est fort intéressant, d'une part, et de quelques pages de Michel Foucault, bien connu, bon, qu'on trouve soit dans les dits écrits, soit à la fin du Dreyfus Rabinoff, peu de pages, enfin, je sais les pages précises auxquelles je pense, mais qui me paraissent particulièrement intéressantes. Bon, et également, bien sûr, je parle de la littérature française sur le pouvoir, pas mal d'écrits dus à des politistes, que je n'ai pas encore eu le temps d'explorer, j'espère le faire, en partie. Alors, les discussions autour du pouvoir tournent, visent avant tout le pouvoir politique et plus fréquemment le pouvoir d'État. Quand la notion de pouvoir impersonnel apparaît dans cette littérature, c'est en tant que forme du pouvoir politique dans la figure de la bureaucratie. Je pense à un passage d'un texte d'Arendt dans Martin Gewalt, ça doit être de la violence, traduit, hein, de la violence, que éventuellement dans la discussion je le reciterai, que je trouve très. Enfin, il donne à penser. La sphère des relations économiques, dans cette littérature donc de politistes ou de philosophie politique, voire même de sociologie sur sociologie politique sur le pouvoir, la sphère des relations économiques reste généralement hors champ. Bon, non pas que le fait que le pouvoir et la domination ne soient pas absents des relations économiques, bon, ça, c'est pas quelque chose de nouveau, mais si on laisse de côté la tradition marxiste, évidemment, la philosophie politique et la science politique du XXe siècle ont, pour le dire brièvement, abandonné l'économie aux économistes. Or, la théorie économique, dominée depuis un certain nombre de décennies par des paradigmes libéraux, est peu encline à thématiser la notion de pouvoir, à penser les relations économiques en termes de pouvoir. Bon, à la différence du pouvoir politique, le pouvoir économique, matrice des pouvoirs impersonnels modernes, souffre, à mon sens, d'un déficit de conceptualisation. En tant que pouvoir, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas assez de théorie sur l'économie, il n'y a pas assez de réflexion sur la catégorie de pouvoir, les ouvrages que j'ai entre les mains, chaque fois qu'il est question du pouvoir, c'est les pouvoirs politiques dont il est question. Éventuellement de la bureaucratie aussi, en rapport avec le pouvoir politique, mais non pas de l'économie. Donc, que ce déficit soit regrettable, eu égard à l'importance de la dimension économique des phénomènes de socialisation à notre époque, cela ne mérite pas d'être plus amplement commenté. Je reviens aux questions sémantiques. Peut-on parler de domination systémique ou plus généralement de domination impersonnelle ? Je dirais que l'étymologie nous le déconseille. Mais l'usage actuel est plutôt laxiste et peu de gens aujourd'hui se choquent d'entendre parler de la domination des marchés. J'invoquerai cependant, ça ne vous étonnera pas, Max Weber pour justifier ma préférence pour le terme de pouvoir, ou en tous les cas, dans un premier temps, pour exclure celui de domination, s'agissant du type de structure dont je veux parler. Et je renverrai à quelque chose que j'ai plus amplement commenté, enfin explicité dans un article récent, non publié d'ailleurs encore pour l'instant, concernant la théorie de la domination. Et, pour faire bref, un certain d'entre vous connaissent, d'autres pas, il y a deux versions de la théorie de domination de Max Weber. Elles se trouvent toutes les deux, quand on dispose du français seulement, voire de l'anglais d'ailleurs à l'heure actuelle, dans le premier volume de Économie et Société, donc celui qui existe en français. Et en fait, ce que vous trouvez au début, c'est la version la plus récente. Et c'est dans la seconde partie. Ah non, je vous dis une bêtise, la seconde partie, elle n'est pas traduite. Elle était dans le second volume, elle n'est pas traduite, elle est en cours de traduction en ce moment. Bon, donc, dans la version allemande, donc, vous avez ces deux volumes, et de toute façon, ce premier band qui a été traduit, Économie et Société 1 en français, c'est la version la plus récente. Et ce qui est dans le second volume, où la quasi-totalité du second volume a été traduite aujourd'hui sous forme dispersée, sociologie du droit, sociologie de la ville, elle est en cours de retraduction parce que la traduction était très mauvaise, mais enfin bon, en principe tout existe, sauf la théorie de la domination, qui est beaucoup plus copieuse, beaucoup plus développée, la plus ancienne version donc, que celle dont on dispose actuellement en français. Bon, ceci pour la datation. Donc, dans la première version de la théorie de la domination, entendons celle qui est dans le second volume et qui n'est pas traduite, Weber constatait l'imprécision des termes domination et pouvoir. Il disait, bon, les deux termes sont utilisés de manière indifférenciée pour désigner, je cite, la possibilité d'imposer sa propre volonté au comportement d'autres individus. Et il distinguait deux types fondamentaux de domination, l'un Le premier, c'est ce qu'il appelait la domination par constellation d'intérêts, et le second, la domination en vertu de l'autorité, craft authoritated. La première, la domination par constellation d'intérêts, donc, dont l'exemple le plus pur à son sens, ou qu'il donnait, est la domination monopolistique sur le marché. La domination par constellation d'intérêts, donc, repose sur une possession garantie, ou sur l'habilité, je le cite quasiment, l'habilité à jouer du marché, possession garantie ou habilité, qui permettent d'exercer une influence sur l'activité libre d'individus, lesquels individus agissent en fonction de ce qu'ils considèrent être leurs intérêts. Il s'agit d'agir sur l'action des individus, mais ces individus exercent un pouvoir sur des individus qui, nonobstant, n'agissent qu'en fonction de leurs intérêts. L'autorité, qui est le ressort donc de la seconde catégorie de domination distinguée par Weber dans ce texte, consiste en un pouvoir de commandement auquel correspond un devoir d'obéissance, lequel devoir d'obéissance est indépendant de tout intérêt ou de toute autre motivation. Bien évidemment, Weber précise qu'il s'agit de type pur dont la différenciation est nécessaire pour la clarté conceptuelle, mais qui se présente la plupart du temps dans la réalité mêlée de manière diverse. Bon, ça, c'est une clause qu'il ajoute continuellement à chaque fois qu'il fait des typologies, donc je la mentionne au passage, ça va de soi. À la fin du passage en question, Weber choisit de réserver le terme domination, après avoir distingué ces deux types de domination, il choisit de réserver le terme domination à la domination par autorité, donc opposée au pouvoir, qui est conditionné par des constellations d'intérêts, donc en particulier du type du marché. Et ce concept de domination, ajoutait-il, est identique à celui de pouvoir de commandement autoritaire. Pour ceux d'entre vous qui ont en tête les définitions du pouvoir et de la domination au début de la version courante d'économie et société, donc dans la version plus récente, il est clair que le texte que j'évoque, dans la version plus ancienne, c'est le moment de réflexion qui a abouti au choix terminologique, au choix conceptuel de Weber dans la version classique, où il définit effectivement le pouvoir d'abord, je cite, le pouvoir, dit-il, de manière très générale, donc il le définit comme la chance d'imposer au sein d'une relation sociale sa propre volonté, même contre des résistances, peu importe sur quoi repose cette chance. Et ensuite, il définit la domination comme une sous-catégorie, comme une espèce du pouvoir, comme, je cite, « la chance de trouver obéissance auprès de personnes déterminées pour un commandement d'un contenu déterminé ». Donc là, vous avez une définition générale du pouvoir comme chance, selon sa terminologie, donc d'imposer sa propre volonté à d'autres. Et ensuite, il spécifie une modalité de cette imposition, celle du commandement auquel répond obéissance, et c'est à cette modalité-là qu'il réserve le terme domination. La domination donc est identifiée à une espèce de pouvoir donc, qui a pour caractéristique d'opérer par le commandement. Qu'en est-il du marché ? Pour revenir à mon type pur de la domination impersonnelle. Sous sa forme idéale typique pure, celle que modélise la théorie économique dite néoclassique, à laquelle Weber a eu affaire à ce qui en est la forme première ou originaire. Sous sa forme idéale typique pure, le marché lie les individus qui y participent par le simple jeu de la concurrence. Dans les termes qui évoquent la trop fameuse métaphore smithienne de la main invisible, Weber note que le marché, dans sa forme développée, c'est-à-dire l'économie monétaire développée, je cite, « se comporte comme si une action avait créé un ordre auquel on aurait visé ». Fin de citation. Mais cet ordre n'est précisément, c'est comme si, hein, mais cet ordre n'est précisément pas intentionnel, de sorte que, ajoute-t-il, la communauté de marché apparaît comme le plus impersonnel des rapports de la vie pratique dans lesquels les hommes peuvent se trouver. Impersonnel non seulement, c'est la fin de citation, hein, impersonnel non seulement parce qu'une telle communauté est étrangère à toute fraternisation, dans le texte d'où est tirée la citation en question, c'est le point sur lequel Weber insiste tout particulièrement, mais impersonnel aussi parce que les individus qui échangent des marchandises ou qui échangent leur travail, ne le font pas parce qu'ils se soumettent à l'autorité d'autres individus. Ils n'obéissent pas. Raison pour laquelle il était garant de parler de domination à propos des liens qu'ils nouent de cette manière. Ils sont contraints peut-être, non, mais ils n'obéissent pas à un commandement. Bon, pour autant, le pouvoir n'est pas absent du marché. Celui-ci, en effet, je reprends Weber, l'argumentation de Weber, rend possible la formation de situations de monopole qui permettent à ceux qui en bénéficient de déterminer de manière fortement directive l'action des autres, bien que ce ne soit pas sur le mode du commandement. Bon, ainsi en est-il bien sûr de la possession de capitaux. Il ne s'agit pas simplement de monopole, d'oligopole, ou de monopole capitaux, mais le posséder des capitaux par rapport à ceux qui n'en possèdent pas, c'est déjà un monopole sur le marché permettant d'exercer une action contraignante, directive, sur le comportement, comportement d'autres, au pluriel. Ce n'est donc pas le marché en tant que tel que Weber nommait domination par constellation d'intérêts, je veux dire, ce n'est pas le marché l'idéal type de la libre concurrence, hein, mais dans la première version de la théorie de la domination, mais c'est un type de pouvoir directif qui peut s'exercer par l'intermédiaire du marché, qui s'exerce par l'intermédiaire du marché, dès lors que celui-ci n'est pas réduit à l'abstraction de la libre concurrence entre des individus indifférenciés, parce que dotés de chances égales. Alors, il est probable que la raison pour laquelle Weber s'est résolu, j'ai évoqué les deux versions de la théorie de la domination, la raison pour laquelle il s'est résolu dans la version la plus tardive à réserver, à définir le thème domination comme il l'entend, c'est-à-dire à écarter la domination par constellation d'intérêts, cessant de l'appeler domination, il est probable que c'était afin de distinguer le pouvoir politique et le pouvoir économique. Bien sûr, il pense énormément, c'est un de ses objets principaux, l'articulation entre l'un et l'autre, mais c'est sans doute la raison. Il demeure que sa conception du marché n'avait rien de naïf, et il souligne que l'économie marchande peut donner lieu et donne lieu à des situations de pouvoir, entendu comme, et je reprends sa définition du pouvoir, la chance d'imposer au sein d'une relation sociale sa propre volonté. Bon. Ceci pour la dimension conceptuelle, j'y reviendrai à la fin. Et je passe à le second moment de mon exposé d'aujourd'hui, qui est la réflexion sur les métaphores des pouvoirs impersonnels. J'écarte le terme domination quand il est question donc de pouvoir qui ne s'exerce pas sur le mode du commandement qui prescrit ou commandement qui interdit, mais donc seulement en jouant des intérêts des individus. Bon, ce que je viens de dire permet d'écarter mes interprétations concernant ce seulement, hein, n'agit que seulement en jouant des intérêts des individus. Il est clair que des pouvoirs non autoritaires, au sens où ils ne s'exercent pas sur le mode du commandement, des pouvoirs non autoritaires peuvent être aussi, voire plus brutaux, et avoir des effets plus ravageurs sur la vie des individus que bien des pouvoirs autoritaires. Bon, et je parle en mon nom propre en quelque sorte, mais je parle aussi, ça c'est vous avez des éléments d'analyse là-dessus chez Weber, pour lui cela va de soi. Mais question, est-ce que le terme pouvoir est approprié? Si l'on s'en tient à la définition du pouvoir proposée dans les catégories fondamentales de la sociologie, celle que je mentionne, donc premier volume de tout début de l'économie de société, toute chance d'imposer au sein d'une relation sociale sa propre volonté, même contre des résistances, peu importe ce sur quoi repose cette chance. Si on s'en tient à cette définition, il n'est pas évident que l'on puisse, même une fois écarté la catégorie de domination, parler de pouvoir. Parce que le concept de pouvoir tel que Weber le définit, c'est une relation sociale dans laquelle des acteurs sont directement confrontés les uns avec les autres. Ce qui n'est pas le cas du marché pris dans son ensemble, ni de la bureaucratie. Mais je vais revenir sur ce point plus tard. Je vais d'abord m'arrêter aux métaphores dans lesquelles les pouvoirs impersonnels ont été signifiés. Et là, le terme « Macht » peut encore me servir de transition. Et non seulement le terme, mais Weber lui-même. Il y a quelque chose de curieux dans les textes, enfin curieux, quelque chose qui a attiré mon attention dans les textes allemands qui glosent indéfiniment les définitions weberiennes du pouvoir. Encore une fois, la littérature secondaire sur le pouvoir est considérable en Allemagne, et à chaque fois, vous avez un morceau de bravoure, ou pas de bravoure, enfin un morceau introductif sur la notion weberienne, et il est toujours question des notions que je viens d'évoquer, des textes, des notions. En revanche, personne ne parle d'un autre usage, qui est très fréquent chez Weber, mais c'est vrai au pluriel, qui est Mächte. Marc Mächte, qui évidemment, bon, il intervient dans des contextes où spontanément nous traduirions plutôt par puissance. Je veux dire, par exemple, lorsque, c'est assez fréquent, Weber évoque l'économie capitaliste et la bureaucratie rationnelle en disant ce sont les deux grandes Mächte, ce sont les grandes puissances qui ont déterminé le sort de notre société, qui déterminent pour l'avenir, etc. etc. Le sens, évidemment, de Mart passé au pluriel, sous forme de Mächte, est manifestement différent de celui qui est consigné dans la définition du pouvoir que j'ai cité. Et ce sens de Mart au pluriel, de Mächte, relève du registre métaphorique, métaphysique d'ailleurs, la question se pose, mais métaphorique en tous les cas, plutôt que conceptuel. Vous le trouvez, par exemple, lorsque ce registre terminologique... Lorsque Weber parle, j'ai pas eu le temps de me replonger dedans pour trouver un certain nombre de citations. Si un jour je devais écrire ce texte, j'en aurais. Je mentionnais le fameux passage que je retrouve même pas, où il dit que l'économie capitaliste et la bureaucratie rationnelle sont les deux grandes puissances qui déterminent le destin de notre vie moderne. Bon, je cherche à chercher Chicxal quelque part. Je dis métaphorique parce que. Les catégories fondamentales de la sociologie définissent le pouvoir, de même que la domination, comme une relation sociale. La sociologie weberienne est une sociologie de l'action, au moins le prétend-il dans ses textes méthodologiques. Donc, comme une relation sociale, conformément aux exigences d'une sociologie de l'action, tandis que lorsqu'il évoque le capitalisme en général, l'économie capitaliste en général et la bureaucratie, ceux-ci apparaissent comme des forces irrésistibles qui déterminent le devenir des sociétés humaines au-delà de toute prise par les hommes, que ce soit individuellement, cela va de soi, et même collectivement. Weber touche ici à un thème abondamment décliné chez un certain nombre d'auteurs allemands de la fin du 19e et du début du 20e, à savoir l'objectivité et le caractère inéluctable des logiques sociales modernes. Et ce thème est souvent décliné par Weber et par d'autres à la même époque dans les métaphores du destin, Schicksal, ou de la fatalité, Verhängnis, destin fatal. La terminologie, pensée parmi les textes les plus célèbres de Weber, les dernières pages de l'éthique protestante, quand il évoque le puissant cosmos de l'ordre économique moderne que l'éthique puritaine a contribué à créer, mais qui désormais, ce cosmos, s'étend et se reproduit de lui-même indépendamment de toute éthique, cette page-là relève très manifestement de ce registre, et d'ailleurs le terme, je vous donne le site, « Le destin, dit-il, a voulu que ce manteau à propos des effets non voulus de l'éthique protestante, il dit « Le destin a voulu que ce manteau devienne, une dure chape d'acier », ce qu'il y avait, chape d'acier, la Stahlhattes Gehäuse, la traduction classique, c'était la cage d'acier. Les puristes vous diront que c'est une très mauvaise traduction. Enfin bon, j'ai pris une traduction récente, mais bon, d'accord. Mais enfin, ce qui m'intéressait pas, c'était pas ça. C'était le destin, c'est la Verhängnis ici. C'est pas Schicksal. Enfin bon, c'est le même registre métaphorique. Vous trouvez le même langage, pour ne citer qu'un des plus grands à cette époque, de chez Georg Simmel, quand il analyse, un de ses textes les plus célèbres, La tragédie de la culture, par quoi il entend le fait que des produits objectifs dans lesquels se cristallise l'œuvre de sujets humains se dérobent à leur réappropriation subjective et se transforment en force destructrice. Et il qualifie également de destin, en l'occurrence dans le passage que j'ai en tête, Schicksal, cette destruction. Je le cite, destruction, qui est en quelque sorte le développement logique de la structure même avec laquelle l'être a construit sa propre positivité. Fin de citation. destin et non pas nécessité naturelle. Je le souligne, car cette objectivité singulière est bien l'œuvre des hommes, et Zimmel y insiste, et c'est en cela que réside, selon lui, le caractère tragique du phénomène. Les hommes produisent des forces qui leur deviennent étrangères. Il est aisé pour beaucoup d'entre nous de reconnaître dans cette thématique un écho de la théorie, thèse marxienne du fétichisme de la marchandise. Zimmel, d'ailleurs, connaît son Marx et il y fait allusion. Mais plus qu'allusion, il la mentionne. Mais selon lui, la réification des rapports sociaux dans l'échange monétaire généralisé n'épuise pas, ce n'est qu'un aspect du phénomène qu'il décrit dans la tragédie de la culture. Ce phénomène concerne le rapport des êtres humains aux produits de la haute culture et de la science, dont l'abondance et le développement sans limite condamnent tout espoir de réappropriation individuelle. Donc ce phénomène, tragédie de la culture, concerne aussi bien, disais-je, les produits de la science et de la haute culture que la vie économique. Donc le fétichisme de la marchandise, selon lui, ce n'est qu'un cas particulier de ce destin qui affecte l'ensemble des produits de la culture humaine dans les sociétés modernes. Bon, c'est assez fascinant comme lecture. Mais cependant, je ne vais pas suivre ici la piste ouverte par Zimmel, car la dilution de l'économie marchande dans le phénomène plus général de l'objectivation de la culture a le défaut, à mon sens, d'occulter l'origine de la représentation moderne des pouvoirs impersonnels. Et les formulations par lesquelles Zimmel caractérise le type extrême de cette objectivation et la rupture que cette objectivation des produits de la culture implique par rapport à ce qu'il appelle le cercle de la culture vivante. Le cercle de la culture vivante, il le caractérise, je retiens une de ses expressions, c'est le courant qui va des sujets aux sujets en passant par les objets. Donc production du monde de l'objectivité, réappropriation du monde de l'objectivité. Bon, les formules par lesquelles il caractérise donc les formes les plus extrêmes de cette objectivation et de cette rupture laissent assez peu de doutes. J'en cite une parmi d'autres. Mes textes sont tirés soit de du petit article sur la tragédie de la culture, enfin, l'article sur la tragédie de la culture, soit de la philosophie de l'argent, dont la lecture n'est pas particulièrement aisée. Enfin, bon, il y a de bons passages. Je cite. Par suite de l'activité de différentes personnes, se constitue un objet culturel qui, en tant que tout, en tant qu'unité existante et exerçant une efficace spécifique, n'a pas de producteur, et il le souligne, n'a pas de producteur, n'est pas issu de l'unité d'un sujet psychique qui lui correspondrait. Fin de citation. L'économie marchande a très certainement été la matrice à partir de laquelle s'est constituée cette représentation d'un pouvoir impersonnel. Or, par ailleurs, quand on lit le texte, le texte de Zimmel, la culture objective de Zimmel évoque, il en est sans doute lui-même conscient, le gaïste chez Hegel au moins, avec cette différence, qui n'est pas sans importance, que Hegel pensait toujours possible la réappropriation du sens objectivé, la réactivation du sens objectivé, au moins sous la forme de son épure, et donc sa réappropriation par les individus, et somme toute, il y a des passages de la préface à la phénoménologie de l'esprit qui le disent fort bien, c'est là la tâche de la philosophie, c'est la tâche ultime de la philosophie, c'est pour ça qu'elle vient toujours trop tard, mais elle se réapproprie, on est pur, le noyau de sens, du sens objectivé. Bon, donc Hegel pense la possibilité de cette réappropriation, alors que ce que fait Zimmel dans la tragédie de la culture, et ce qu'il développe abondamment dans la philosophie de l'argent, c'est de théoriser l'impossibilité de cette réappropriation. Donc je disais, soit la culture objectivée de Zimmel évoque le Geist de Hegelien, mais j'en reviens au marché par l'intermédiaire de Marx. Marx qui a suggéré dans un passage de l'idéologie allemande, la première partie d'idéologie allemande, que le concept idéaliste de l'esprit doit peut-être lui-même quelque chose à la représentation économique du pouvoir impersonnel. Alors je vous cite ce passage qui est évidemment ironique, mais qui, à mon avis, touche à quelque chose. Passage dans lequel Marx dit, à vrai dire, dans l'histoire passée, c'est aussi un fait parfaitement empirique qu'avec l'extension de l'activité au plan de l'histoire universelle, les individus ont été de plus en plus asservis à une puissance qui leur est étrangère, parenthèse, oppression qu'ils prenaient pour une tracasserie de ce que l'on appelle l'esprit du monde, fin de parenthèse, une puissance qui est devenue de plus en plus massive et qui se révèle être, en dernière instance, le marché mondial. Fin de citation. Bon, exemple grossier de matérialisme réductionniste, si vous voulez. Bon, c'est évident que l'esprit, dire que l'esprit idéaliste, ce n'est rien d'autre que le marché mondial, c'est aller un peu fort, mais c'est un pamphlet, et on accorde au pamphlet ce genre de exagération. Et par ailleurs, l'idée selon laquelle la représentation moderne des pouvoirs impersonnels, qui sont tout autre chose, hein, il faudrait comparer avec des conceptions du divin comme impersonnel, du divin non personnalisé. Et c'est tout autre chose que de penser ces pouvoirs impersonnels selon la structure qui en fait des produits de l'activité des hommes qui, nonobstant, s'autonomisent par rapport à cette activité, au point d'exercer sur eux une force comparable, en termes métaphoriques, à celle du destin. Et il n'est pas du tout évident que cette notion, avec cette structure, hein, pas le pouvoir impersonnel général, mais le pouvoir impersonnel compensé selon cette structure, et que c'est une notion dont on trouve un équivalent dans toutes les grandes cultures, toutes les grandes civilisations. L'idée selon laquelle la représentation moderne des pouvoirs impersonnels, donc conçus comme des puissances issues de l'action des hommes et qui s'imposent à eux comme des puissances étrangères, l'idée que cette représentation aurait été tout d'abord suscitée par le développement du marché et en particulier du marché mondial, demeure à mon sens fortement crédible. Et si je pourrais en revenir à Max Weber, les passages dans lesquels Max Weber use du vocabulaire du destin sont ceux où il se rapproche le plus du déterminisme que l'on a reproché, à tort à mon sens, mais peu importe, à la philosophie idéaliste de l'histoire du XIXe siècle, et cela malgré la critique que Weber faisait par ailleurs des catégories de cette philosophie. Or, dans ces passages, c'est au fonctionnement de l'économie capitaliste que Weber fait avant tout référence, même si par ailleurs, il a fini par attribuer à la bureaucratie un certain nombre de propriétés identiques à celles du pouvoir du marché. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Donc, le réseau sémantique. Je chercherai d'autres exemples dans les auteurs moins. Bon, il y en a dans cette époque-là, si vous laissez un thème, la pensée allemande de l'époque qui se rencontre partout, le mécanisme, etc. Bon, on peut trouver d'autres auteurs. J'en ai gardé deux grands. Je chercherai d'autres exemples plus tard. Mais ce réseau sémantique du destin, de la fatalité, auquel est liée la thématique de la réification et de l'aliénation, donc de la Verzahrlichung et de l'Entfremdung, c'est l'interprétation que je qualifierais tragique, pour reprendre la formule ou le qualificatif de Simmel, l'interprétation tragique des formes inédites que revêtent les liens sociaux par suite de la généralisation de l'économie monétaire, donc, et pour Weber, de la bureaucratisation de l'administration politique. Et vous avez aussi des interprétations positives du même phénomène, voire résolument optimistes. Exemple, la philosophie politique de Frédéric Hayek. La fameuse distinction, bon, je vous renvoie à son ouvrage Droit, législation et liberté, la fameuse distinction entre les deux types d'ordre, les ordres arrangés, en taxis, et les ordres spontanés, cosmos, qui constituent, point de départ, la pierre angulaire de droit, législation et liberté. Cette distinction enregistre ce qui, selon Hayek, a été le point de départ de la théorie sociale, à savoir, je le cite, « la découverte qu'il existe des structures ordonnées qui sont le résultat de l'action d'hommes nombreux, mais ne sont pas le résultat d'un dessein humain ». Fin de citation, c'est toujours la même structure. Et de façon très attendue, Hayek invoque Mandeville, on l'attendait, les moralistes écossais, Ferguson, Hume et bien entendu Adam Smith, dont il cite un passage en exergue de son chapitre sur Cosmos et Taxis. Il va de soi que l'interprétation que Hayek propose et d'Adam Smith et des autres est certainement sujette à caution, mais je ne la discute pas ici. Je me borne à Hayek, dont les thèses ont exercé l'influence que vous savez sur les politiques économiques des grands pays européens des 3 ou 4 dernières décennies. Alors, une lecture attentive de droit, législation et liberté n'est pas inutile, même si je dois dire que la dernière fois que je me suis remise, ça m'a un peu déprimée, mais je ne sais pas. C'est pas le fond de la thèse. Hein, pas le fond de la thèse, c'est la manière dont c'est argumenté. C'est, bon. Zimmel est dur, mais j'y prends plus plaisir. Bon, plus de plaisir. Bon, une lecture attentive donc, du texte n'est pas inutile parce qu'elle montre les effets des métaphores dans lesquelles les pouvoirs impersonnels sont saisis. Le registre métaphorique, donc ici, n'est plus celui du destin, mais de l'ordre naturel, dit ou ordre spontané. Les produits non intentionnels des interactions sociales, ici encore, il est question avant tout de l'économie marchande, sont perçus donc non comme une fatalité, mais comme le seul et unique moyen de constitution d'un ordre dans la grande société. Le terme grande société a en fait plusieurs significations confondues dans ce contexte-là. Disons pour l'instant, société de masse nous suffit. C'est bien le même phénomène qui est visé, mais évidemment son appréciation est totalement inversée. Ce phénomène n'est plus perçu comme une aliénation, mais comme l'heureuse solution naturelle d'un problème insoluble par les capacités de l'esprit humain. Alors, je rappelle brièvement les trois caractéristiques distinctives des ordres de type cosmos, donc spontané ou encore endogène, dit-il, selon Hayek. Première caractéristique, ces ordres rendent possible un degré de complexité qui n'est pas limité par les capacités de l'entendement humain. Deuxième caractéristique, leur existence repose sur des relations abstraites. Troisième caractéristique, ils sont sans finalité. Trois particularités ou trois caractéristiques interdépendantes. La première, donc, ils rendent possible un degré de complexité qui serait impossible dans des ordres constitués de manière intentionnelle. La première, donc, est ce qui fait la supériorité de ce type d'ordre par rapport aux ordres exogènes, pour faire le parallèle, endogène-exogène. Les limites de l'information qu'un cerveau humain est capable de maîtriser sont en effet l'argument principal qui justifie, pour Hayek, sous la plume de Hayek, qui justifie de confier le mécanisme des sociétés à la logique spontanée d'un ordre endogène, plutôt que de tenter de les organiser en fonction d'une fin déterminée, quelle qu'elle soit. La seconde, des caractéristiques, l'abstraction des relations constitutives de cet ordre a un intérêt remarquable qui est de soustraire l'appréciation de cet ordre au jugement de l'individu ordinaire. Ce qui fait que cet ordre est un ordre n'est pas intuitivement perceptible. Ce sont des relations abstraites. C'est ça qu'il veut dire quand il parle de relations abstraites. Ce sont des relations abstraites. Et donc, dans la mesure où ces relations ne sont pas intuitivement perceptibles, elles ne peuvent être établies que par la théorie, c'est-à-dire par les théoriciens, donc les théoriciens de l'économie, bien sûr. Et la troisième caractéristique, l'absence de finalité intentionnelle, conforte ce que je résume en parlant du monopole évaluatif des théoriciens. Troisième caractéristique, donc l'absence de finalité, donc l'existence ou la non-existence d'un ordre de ce type ne peut pas être appréciée du point de vue de la réalisation de fins qui sont postulées inexistantes. Et Hayek est bien obligé de concéder une sorte de finalisme, au plan terminologique au moins, il parle d'une sorte d'abréviation téléologique, un finalisme fonctionnaliste qui permet de parler d'un ordre. Pour établir qu'il y a un ordre, il faut penser quelque chose comme... Il faut des critères d'identification. Et le finalisme fonctionnaliste, il est logé dans ces critères d'identification de l'ordre comme ordre. C'est dire que l'abréviation téléologique veut dire tout simplement que cet ordre se maintient comme tel, c'est-à-dire, encore une fois, tel qu'il a été identifié par les théoriciens. Hayek note que l'existence d'un tel ordre peut être fort utile aux individus qui se meuvent en son sein, et d'ailleurs il le présuppose, c'est fort utile, puisque s'il n'y avait pas ce genre d'ordre spontané, ça serait l'anarchie, ou ça serait le désordre, ou ça serait le dysfonctionnement. Mais il insiste sur le fait qu'il ne revient pas aux individus de juger de cette utilité. Il y a bien une utilité, mais ce n'est pas les individus, du moins les individus ordinaires qui en jugent. En revanche, il revient aux responsables politiques, du moins le souhaite-t-il, éclairé par les théoriciens de l'économie, d'assurer et de garantir les conditions de maintien de cet ordre, en recourant, il est très explicite à ce point, sur ce point, en recourant, le cas échéant, à des moyens coercitifs. Pour que l'ordre demeure, il faut que les individus agissent conformément aux impératifs abstraits, à la logique abstraite de cet ordre identifié par les théoriciens. Bon, ceci donc pour l'interprétation optimiste. Je crois qu'il faut creuser aller au-delà de l'opposition entre ordre spontané et ordre intentionnel pour montrer combien dans la compréhension même de l'ordre spontané, il y a la justification d'une intervention normative des théoriciens de l'économie et coercitive de ceux qui sont chargés d'assurer le maintien de l'ordre identifié par les théoriciens de l'économie. Bon. Ceci pour les métaphores. Et je passe à mon troisième moment, l'irresponsabilité. Aussi différents que soient les registres métaphoriques des deux paradigmes donc dans lesquels ont été réfléchis principalement les effets non intentionnels des interdépendances sociales, donc le registre du destin et celui des ordres naturels, ces registres se rejoignent sur l'identification des caractéristiques distinctives du pouvoir impersonnel de l'économie, de l'ordre économique. Cet ordre est objectif, ce qui signifie qu'il n'est pas, dans son ensemble, contrôlable, orientable, manipulable par des décisions réfléchies, que ce soit celles d'individus ou de groupes d'individus. Pour cette raison, deuxième caractéristique, il est sans responsable. Et troisième caractéristique, c'est un ordre rationnel, en ce sens minimum, on l'a vu chez Hayek, que ses performances sont supérieures à celles d'un ordre planifié par des volontés humaines. Je dis sens minimum parce que vous avez certains auteurs, Weber ou moins, qui tentent de préciser cette rationalité, Weber en l'associant à la prévisibilité, à la Berechenbarkeit. Je laisse ici de côté les problèmes que pose la notion de rationalité, dont il n'est absolument pas évident que les critères soient aussi objectivement déterminables que la nuance générale, la théorie économique. Ce sur quoi je veux simplement insister ici, c'est l'absence de responsabilité. Si la référence aujourd'hui aux contraintes systémiques est à l'évidence un moyen pour le personnel politique de se défausser des responsabilités qui leur reviennent en principe, dans la mesure en tant que responsables politiques, ils se font élire sur des programmes dont ils doivent s'attendre à être jugés sur leur capacité à les réaliser. Donc, argument politique que les contraintes systémiques, etc. Mais la thèse selon laquelle les agents ne sont en définitive pas responsables de la forme globale des relations sociales et du développement de ces relations n'est pas seulement un argument de politicien. Elle se rencontre non seulement sous la plume de théoriciens du libéralisme économique, mais aussi déjà, je le rappelle, chez Marx, lequel a dans une certaine mesure anticipé les théoriciens contemporains des logiques systémiques quand ils dédouanaient les entrepreneurs capitalistes d'une responsabilité personnelle dans les méfaits de l'économie capitaliste. Je renvoie à ce célèbre passage, vous connaissez sans doute tous, c'est le vocabulaire qui m'intéresse là, donc sur la responsabilité de Marx dans la préface à la première édition du Capital. Pour éviter les malentendus possibles, encore un mot, je n'ai pas peint en rose le capitaliste et le propriétaire foncier, mais il ne s'agit ici des personnes, tout autant qu'elles sont la personnification de catégories économiques. Bon, ce que je n'ai pas fait ici, ce que je vais fouiller maintenant, c'est comment à cette époque, les échanges qui ont lieu à cette époque, dans la seconde partie du 19e siècle, peut-être un peu avant d'ailleurs, et puis début du 20e, entre la question que j'évoquais plus haut de la personnification de la légitimité ou non en termes juridiques des entités, des personnes morales, hein, puisque un certain nombre de juristes étaient contre, hein, y compris en France jusque dans le début du XXe. Et donc les échanges qui ont pu avoir lieu entre les économistes et les théoriciens de la Staatswissenschaft, qui était une discipline juridique. Hein, la théorie de l'État, c'est une discipline juridique en Allemagne. Bon, d'ailleurs en France, assez longtemps aussi. Donc, je reprends le sujet. Je n'ai pas peint en rose le capitaliste et le propriétaire foncier, mais il ne s'agit ici des personnes qu'autant qu'elles sont la personnification de catégories économiques, les supports d'intérêts et de rapports de classe déterminés. Mon point de vue selon lequel le développement de la formation économique de la société est assimilable à la marche de la nature et de l'histoire, là vous avez le registre métaphorique des lois naturelles, hein, du développement naturel, ce point de vue peut moins que tout autre rendre l'individu responsable du rapport dont il reste socialement la créature, quoi qu'il puisse faire pour s'en dégager. Fin de citation. Bon. Alors, je laisse la manière dont Marx en sortait, comment échapper à la fatalité de l'économie. Certains ici en savent beaucoup plus que moi à ce propos. Je passe à juste un mot sur Weber. Weber a bien perçu, dans les analyses de Weber, le risque fondamental impliqué dans le développement des pouvoirs impersonnels, donc économie, capitaliste et bureaucratie, c'est la fin de la politique, entendue comme la capacité de prendre des décisions efficaces et d'assumer des responsabilités engageant le futur de sociétés humaines. Bon, en l'occurrence, pour lui, c'était le futur d'un État. Et c'est la raison pour laquelle, dans ses écrits politiques, vous trouvez deux thèmes qui sont très fortement liés, qui sont absolument indissociables, qui, notamment les écrits politiques, ça commence d'ailleurs déjà de 1905, mais a fortiori tous les écrits qui datent, les plus célèbres, qui datent de l'époque de la guerre ou des dernières années de la guerre, notamment 1917, il appelle à la fois une repersonnalisation de la politique, c'est le thème qu'on lui a suffisamment reproché du chef plébiscitaire, et à la responsabilité des dirigeants politiques. Et les deux thèmes sont extrêmement liés, c'est-à-dire que pour lui, il faut, je pourrais l'étayer en citant des passages de textes qui ne sont pas les textes politiques, il faut réintroduire du personnel, pas du personnel au sens des services du personnel, des éléments de personnalité dans la politique pour y réintroduire de la responsabilité. C'est toute la réflexion sur la bureaucratie. Bon. Le concept weberien, puisque j'en suis à Weber, le concept weberien de la politique est traversé par une tension entre, d'un côté, la reconnaissance du caractère inéluctable, destinal, pour reprendre sa terminologie, de la bureaucratisation de l'administration politique, bureaucratisation qui donne à l'administration politique des caractères strictement analogues à ceux de l'économie capitaliste, à savoir l'objectivité, la prévisibilité, la rationalité, et l'absence de responsabilité. Ça, c'est un thème qu'il décline notamment, enfin exactement de façon particulièrement pointue, soulignée dans un texte assez célèbre qui est la remarque intermédiaire de la sociologie des religions. La comparaison entre l'Eigengesetzlichkeit, la logique immanente à la sphère politique, qui comprend là essentiellement comme bureaucratie, et la sphère économique. Donc, tension entre la reconnaissance de ce caractère de fatalité, hein, d'un côté, et de l'autre, chez Weber, la nécessité de sauver une autre figure de la politique, une figure qui implique que l'action de certains individus est susceptible d'infléchir le cours des choses, dans les limites imposées par les contraintes de l'objectivité, ce qu'il appelle la « Sachlichkeit », raison pour laquelle il considère qu'une des vertus de l'homme politique, pas la seule, mais l'une, c'est d'être « Sachlich », c'est-à-dire de tenir compte des contraintes de l'objectivité, mais une objectivité dont il faut admettre qu'elle laisse des marges de manœuvre, faute de quoi il ne saurait être question de responsabilité politique, par conséquent, il ne saurait être question de politique. Alors, cette figure de la politique, celle que Weber tente de sauver, ne peut que disparaître totalement quand on conduit à son terme la logique systémique déjà impliquée dans la notion weberienne de la Eigengesetzlichkeit, de la logique immanente, de logique intrinsèque des sphères d'action. Quand on conduit à son terme la logique systémique, donc impliquée dans la représentation moderne des pouvoirs impersonnels, et j'en arrive là, ça ne vous étonnera pas beaucoup, j'irai vite, à Luhmann, exemplaire à cet égard. Luhmann, en effet, je vais être trop rapide pour un auteur qui est quand même passablement complexe, Luhmann a tenté de penser la sphère de la politique comme une sphère autonome de la société, fonctionnant selon un principe spécifique, un code, selon sa terminologie. Et ce principe, selon lui, c'est le pouvoir, Marthe, de Yves Sevillais. Et le dernier ouvrage, c'est Die Politik der Gesellschaft, c'est un ouvrage écrit par Luhmann, mais publié après sa mort. Et bon, alors, il est usuel de considérer que c'est parce qu'il a fait le meilleur, etc. On était vieux, on connaît. Bon, en fait, quand on lit, même si je vais y revenir rapidement, parfois, ça donne une impression de grande banalité. De fait, c'est parfaitement consonant avec des ouvrages plus anciens et bien tenus, comme Marthe et comme d'autres encore que je ne cite pas là. Bon, donc, il a tenté de penser la sphère de la politique, disais-je, comme une sphère autonome de la société, ayant donc son code propre, et ce code, ce principe, c'est le pouvoir, compris, défini par lui en un sens traditionnel, comme la capacité de prendre des décisions qui s'imposent à un collectif. Le pouvoir, dit-il quelque part, n'est pas quelque chose qui se rencontre en politique, ce n'est pas une de ses manifestations parmi d'autres, mais c'est, écrit-il, je ne sais plus si c'est dans celui-là ou dans l'autre, je crois que c'est dans celui-là, la quintessence de la politique en général. La politique donc constitue un système de la société, distinct des autres systèmes que lui-même distingue, des autres systèmes que sont le droit, la science et bien entendu l'économie. Chaque système est, vous le savez, autopoïétique. Ce qui signifie en clair que chaque système produit ses propres problèmes en les formulant dans un code qui lui est à chaque fois spécifique. Bon, donc, dans ce cadre-là, dans ce cadre général, Luhmann tente de penser la politique elle-même comme une sphère, un domaine autopoïétique. Un système de la société, et donc on a dit, donc, il définissait la politique par la décision. Or, loin de revaloriser l'espace de la décision, ce qui pourrait être, à partir du moment où il veut penser la politique comme une sphère autonome et qu'il définit la politique par Marthe et la Marthe comme la capacité de prendre des décisions engageant des collectifs, on pourrait penser qu'il revaloriserait la sphère de la décision. Or, en fait, loin de revaloriser l'espace de la décision et par conséquent de redonner sens à la responsabilité politique, la théorie de Luhmann, version extrême de la thèse fonctionnaliste de la différenciation sociale, aboutit à justifier par la théorie l'impuissance de la politique dans les sociétés modernes. Luhmann constate en effet d'un côté, dans des passages de, entre autres des politiques de la Gesellschaft, que les problèmes d'ordre économique sont devenus les principaux objets de la décision politique, au détriment, dit-il, et je lui laisse la responsabilité de cette seconde partie de proposition, au détriment des questions nationales, religieuses ou éthiques, toute question qu'il qualifie de fondamentaliste, dont, dit-il, l'importance a régressé et devrait continuer à régresser. Donc, les problèmes d'ordre économique sont devenus les principaux objets de la décision politique, dit Luhmann, hein. Mais comme il a posé en principe qu'il n'y a pas de communication directe entre les systèmes, mais seulement des irritations de chacun par un autre, donc chacun irrité, exprime cette irritation dans le code qui, en le formulant dans le code qui lui est spécifique, donc il le filme comme son propre problème, Luhmann conteste toute possibilité d'action efficace de la politique sur l'économie. En raison de la clôture des systèmes, dit-il, la politique, d'un point de vue opératoire, ne peut pas administrer l'économie. Administrer l'économie, c'est ma traduction, le terme allemand est plus parlant encore, opérativ gesehen, non vu d'un point de vue opératoire, kann die Politik nicht wirtschaften. Elle ne peut pas, si on avait un verbe à partir d'économie qui ne serait pas économisé, qui porterait à contresens, c'est exactement, c'est bon, je l'ai dit administrer l'économie, en fait. L'économie, la politique ne peut pas s'occuper d'économie. Le pouvoir décisionnaire, donc, que Luhmann présente comme la quintessence de la politique, s'épuise, constat qu'il fait, dans les agitations par lesquelles les responsables, mais alors avec des guillemets politiques, s'évertuent à camoufler leur absence de contrôle sur ce qui est supposé être, d'après Luhmann, l'objet central de leur action. Alors, quand on lit ces pages, je vous dis pour ça que ça donne une impression de banalité, quand on lit au plan descriptif, le diagnostic de Luhmann fait écho à un sentiment assez fréquemment, assez largement répandu chez beaucoup des citoyens des États européens aujourd'hui, au point, voire des États occidentaux, au point de paraître passablement banal. Mais je précise, je rappelle que le propos de Luhmann n'est pas simplement descriptif. C'est là où ça paraît banal. On arrive dans certains pages, mais attendez, ça c'est du journalisme, c'est descriptif, quoi. Mais en fait, appréhender à partir des hypothèses de la théorie de la différenciation sociale, l'économie globalisée de la fin du XXe siècle apparaît comme le résultat nécessaire de l'autonomisation du système économique, de telle sorte que les impasses de l'action politique, impasses qui se manifestent dans les disparitions, c'est ce qu'il commente, des oppositions programmatiques de fond entre les partis de droite et de gauche, sinon sur le plan rhétorique, dit-il, ces impasses ne peuvent être interprétées que comme la manifestation nécessaire de l'autonomie spécifique du système de la politique. L'autonomie du système de la politique est prise dans ce processus de différenciation sociale et l'impossibilité de communication entre les systèmes fait que la décision politique, qui est le cœur même de la politique, la décision n'a prise sur rien de ce qui est supposé être son objet. Donc, l'impuissance de la politique contemporaine, qu'il décrit, des journalistes auraient pu écrire ces pages, mais ce n'est pas un phénomène passager, dont on pourrait éventuellement imputer la responsabilité à l'incompétence, au manque de courage des dirigeants politiques, ou plus sérieusement, à certains défauts de nos institutions, défauts éventuellement amendables. Cette responsabilité, cette impuissance de la politique contemporaine, c'est, à suivre Luhmann, la conséquence structurelle inévitable de la dépersonnalisation contagieuse, puisqu'elle concerne tous les systèmes, donc de toutes les dimensions des relations sociales. Alors, je vais essayer de limiter à 10 minutes maintenant pour ne pas en parler. J'ai insisté plus haut sur l'importance des métaphores dans les discours qu'inspirent, donc depuis plus d'un siècle, les développements de l'économie capitaliste et la bureaucratisation de l'administration politique dans les sociétés de masse modernes. Est-ce que la théorie systémique en a fini avec la métaphore ? Il faut réfléchir. Personnellement, je n'ai pas encore beaucoup avancé, mais d'autres pourront le faire, savoir si la notion de système appliquée au phénomène d'ordre social n'a pas elle-même... Je parle de Luhmann, parce qu'elle, bien sûr que la notion de système peut avoir un caractère métaphorique. Est-ce qu'elle a chez lui encore un caractère métaphorique ? Ça, je n'ai pas suffisamment réfléchi. Mais derrière les métaphores, un travail de conceptualisation s'effectue, bon an, mal an. Et chez Luhmann, ce travail de conceptualisation aboutit, au moins en quelques passages, à un résultat intéressant sur la base duquel il aurait été possible, il ne l'a pas fait, ou il serait possible, de reconstruire le concept de la politique comme pouvoir de décision engageant des responsabilités. Luhmann, dans les passages en question, impute l'impuissance de la politique à la différence des échelles d'action de l'économie et de la politique. La différence centrale pour l'économie contemporaine, dit-il, je le cite là, est celle entre le... quasiment, je résume là. La différence centrale pour l'économie contemporaine, c'est celle entre le marché financier international d'un côté et de l'autre côté, l'industrie et le travail, dont l'organisation est avant tout régionale. Échelle internationale et régionale, qui peut vouloir dire nationale ou un peu plus large. Et il ajoute à ce moment-là, cette différence ne se laisse pas représenter politiquement, du moins pas au niveau politique des États régionaux. Fin de citation. Alors, l'évolutionnisme dont Luhmann se réclame explicitement l'amène à considérer l'état actuel de la politique comme une sorte d'achèvement qui porte à son point extrême la dynamique irréversible de la différenciation systémique. Et c'est probablement pourquoi il laisse passer la possibilité ouverte par la remarque que je viens de citer, et il y en a d'autres dans le même sens. Je rappelle, la différence centrale pour l'économie contemporaine, c'est celle entre le marché financier international d'un côté, l'industrie et le travail de l'autre, dont l'organisation est avant tout régionale. Cette différence ne se laisse pas représenter politiquement, du moins pas au niveau politique des États régionaux. À quoi on peut répondre que si la différence constitutive de l'économie contemporaine entre les marchés internationaux d'un côté, l'organisation régionale de l'industrie et du travail de l'autre, ne se laisse pas représenter politiquement au niveau des États nationaux, elle pourra en revanche être représentée à d'autres niveaux, politiquement représentée à d'autres niveaux. En termes plus simples, si les logiques financières, notamment, de façon exemplaire, ne sont plus contrôlables par les gouvernements nationaux, ces logiques dépendent cependant de décisions qui ont été prises et qui sont prises dans des instances, supra- ou transnationales, publiques ou privées, instances qu'il n'est pas exclu de politiser. Une telle hypothèse, cependant, implique de réviser deux des prémices à partir desquelles Luhmann appréhende le champ de la politique. La première, je viens de la mentionner, c'est l'indexation de son concept de la politique sur sa forme étatique, ou au mieux sur une organisation régionale, on peut penser à l'Europe, enfin si vous tentez qu'elle puisse se constituer en quelque chose de supra-régional, bon, qui ne ferait que reproduire à plus haut niveau, à plus grande échelle, donc la forme étatique. La seconde hypothèse de Luhmann, plus fondamentale pour la théorie des systèmes, c'est la thèse selon laquelle les systèmes ne communiquent pas directement entre eux. Il est en effet possible de porter un jugement tout différent sur les relations entre politique et économie, si on accepte de reconnaître que la globalisation contemporaine ne concerne pas seulement l'économie, mais qu'elle se traduit aussi par une recomposition du champ de la politique à une échelle supérieure à celle des États nationaux. Le pouvoir des dirigeants politiques et avant tout de leur exécutif ne se borne pas au cadre national. C'est à ces pouvoirs que l'on doit l'institution, notamment, des principales instances internationales de pouvoir, qu'elles soient étiquetées comme politiques ou économiques, ça dépend de leur champ de compétences, les principales instances supra ou internationales, au niveau desquelles ont été prises et sont toujours prises aujourd'hui des décisions qui se répercutent au niveau des politiques nationales sous la forme de contraintes que l'on dit systémiques. Alors j'invoque ici les remarques de deux auteurs allemands, c'est le même article, hein, ils ont co-signé, en fait il est online, je vais voir si c'est une version publiée. Il s'agit d'une part de Renate Mainz, c'est la doyenne de la sociologie allemande, très très grande doyenne de la sociologie allemande, et Fritz Sharp, ils ont été l'un et l'autre d'ailleurs directeurs d'un Max Planck Institut für, je ne sais plus, Sozialforschung, Wirtschaft, je ne sais plus, pendant des années. Et l'un et l'autre, Renate Mainz et Fritz Sharp, ont été suffisamment longtemps proches de Luhmann. Et dans un article postérieur, une intervention dans un colloque postérieur à la mort de Luhmann, l'article date de 2005, faisait les remarques que je cite maintenant. Il soulignait que les contraintes qui s'imposent aujourd'hui aux États démocratiques et qui obligent ces États à détricoter progressivement les acquis de l'État-providence sont en fait, je cite, je le dis d'une manière très très simple, le résultat d'une ouverture voulue du territoire étatique et d'une politique consciemment choisie de libéralisation économique. Et ils ajoutaient, l'économie est certes aujourd'hui moins gouvernée en fonction de buts politiquement définis que ce n'était encore le cas au niveau national il y a 3 décennies. Mais la raison de cet état de choses réside moins dans l'isolement autopoïétique du système économique que dans des décisions politiques qui ont transformé la structure du système économique aussi bien que des structures politiques. Ce que je trouve intéressant dans ce texte, c'est le fait que, ce qui n'est pas toujours le cas dans des textes parlant de l'économie, ils invitent à penser les transformations solidaires du système économique, qui a été transformé, ça tout le monde le sait, mais penser qu'on ne peut comprendre ce qui se passe qu'à condition de penser en même temps les transformations des structures politiques. Il suffit donc, je vais terminer là-dessus, de changer de perspective pour pouvoir mettre en question la thèse de l'impuissance inévitable de la politique et donc peut-être d'abandonner aussi bien la version tragique que la vision pessimiste des puissances impersonnelles, de l'interprétation des puissances impersonnelles. Il ne s'agit pas, bien entendu, de nier la réalité des contraintes systémiques. Toute décision dans le champ de l'économie comme dans celui du social, et d'ailleurs dans d'autres champs encore, dans son champ médical, entraîne des effets qui débordent les objectifs de cette décision. Certains de ces effets sont prévisibles, d'autres ne le sont pas en l'état des savoirs à un moment donné, et les secondes, celles qui ne sont pas, les effets qui ne sont pas prévisibles, rendent nécessaire un réajustement continuel des politiques économiques et sociales. Mais il y a une grande différence entre la prise en compte de cette réalité, les effets systémiques, qui relève de ce que Weber nommait, je l'ai évoqué tout à l'heure, la Sachlichkeit, donc la vertu du bon dirigeant politique, une des vertus du bon dirigeant politique, différence entre cette thèse et la thèse résumée par la très fameuse formule de Margaret Thatcher, TINA, There is no alternative. Il est assez clair aujourd'hui pour les citoyens européens que la création de l'euro n'avait rien d'inéluctable, au point qu'une partie d'entre eux réclame son abandon. Je n'en fais pas partie, mais je comprends parfaitement. On considère que ce n'était pas inéluctable et que c'était peut-être une erreur. Or, les politiques économiques imposées par le FMI, la Banque mondiale, l'OMC depuis les années 80 étaient et sont tout aussi contingentes, comme le remarquent encore les deux auteurs que je viens de citer, Marine Séchard. En définitive, je les cite, une politique d'élargissement des marchés et de la concurrence constitue aussi une façon d'exercer une influence sur l'économie. Il n'y a jamais eu d'économie sans intervention politique. À quel moment, dans quelles circonstances, dans quelles instances précises cette politique a-t-elle été décidée ? Quelles ont été les étapes et les relais de sa mise en œuvre ? Bon, ce sont là des questions auxquelles nous avons la chance qu'un grand, un certain nombre de travaux d'économistes critiques aujourd'hui donnent des éléments de réponse. Je pense à Stiglitz et à quelques autres. L'objet de mon intervention n'est pas de présenter, bien sûr, les résultats de ces études, mais l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est que la notion de logique ou de domination systémique mérite examen. Son usage dans le langage journalistique et politique ordinaire, au demeurant généralement sans référence à la théorie des systèmes, a pour principal effet, et probablement pour objectif principal, d'occulter le rôle et la responsabilité des agents dans l'état présent de notre monde et son évolution. La fonction idéologique de cette notion est aussi certaine que sa pertinence théorique est au moins sujette à caution. Et je termine en revenant sur les questions que j'avais laissées en suspens. Peut-on parler de pouvoir impersonnel ? J'ai dit, domination impersonnelle, j'ai dit pas. Pouvoir impersonnel, j'ai laissé en suspens pour désigner les effets contraignants qui résulte de l'imbrication des actions sociales des individus. Si on en reste aux métaphores du destin ou de l'ordre spontané, on répondra négativement. On parlera de Mächte au pluriel, puissance, mais encore une fois, puissance, le terme Mächte chez Weber et chez d'autres en allemand n'a pas le même sens que le terme Diemacht, le pouvoir. Mais à condition de laisser de côté le modèle idéal typique du marché parfaitement concurrentiel, qui par ailleurs a sa légitimité épistémologique incontestable, en tant qu'idéal type précisément, à condition de laisser de côté le modèle idéal typique du marché parfaitement concurrentiel pour considérer ce qu'il en est de l'économie réelle, dérégulée ou pas, il apparaît, et je reste dans le registre de la métaphore, que tout le monde ne participe pas à l'aveugle, au jeu aveugle du marché. Certains sont en position de voir plus que d'autres, et également en position d'intervenir, certes non pas pour modeler, comme c'est de la pâte molle, les relations sociales, mais pour infléchir dans un sens ou dans un autre les logiques dites systémiques. L'argument vaut a fortiori pour l'administration bureaucratique, mais ça serait un autre. Je suis obligé là de. Parce que pour dire, on ne parle pas que du marché quand on parle du pouvoir impersonnel, mais en même temps, il y a des différences avec la bureaucratie, ça je les ai laissées de côté. Des différences de la bureaucratie par rapport au marché. Mais il est donc recommandé d'éviter, pour les raisons que j'ai dites, de parler de domination systémique, il me semble au contraire souhaitable de ne pas hésiter à parler de pouvoir systémique. En entendant par là, des pouvoirs qui ne s'exercent certes pas sur le mode du commandement direct, mais qui n'en sont pas moins directifs. C'est-à-dire qui visent bien à, je reprends la formule de Weber, imposer leur propre volonté au comportement d'autres individus, mais non pas par l'intermédiaire du commandement. Donc, à la suite de Weber et de Luhmann, je serais prête à reconnaître que le pouvoir entendu en ce sens, ou je suis prête à dire que le pouvoir entendu en ce sens est au cœur de ce que nous nommons la politique, mais à la différence de Luhmann, je n'en conclurai pas que les structures des sociétés contemporaines condamne la décision politique à être sans objet, et pour le dire d'une formule, plutôt que de chercher la décision efficace là où la tradition étatique nous a habitués à situer la politique, et à découvrir qu'il n'y a pas de décision efficace, il faut chercher la politique là où des décisions efficaces sont prises. C'est-à-dire qu'il faut rendre visibles les lieux réels du pouvoir, et par là identifier les agents. Ça peut être des agents collectifs, ça peut être des individus, mais derrière les agents collectifs, il y a toujours des individus qui agissent, et par là même identifier des agents qui portent une part de responsabilité dans la marche de nos sociétés. Donc il y a toujours de la politique là où sont prises des décisions qui engagent des desseins collectifs, mais il faut que les lieux de la politique soient visibles et les responsables, collectifs, individuels ou individus composant des collectifs, soit identifiable pour que, et j'arrive à un terme, un mot que je n'ai pas prononcé jusqu'à présent, pour que la démocratie soit possible. C'est-à-dire que le déficit de démocratie dont on fait souvent état et qu'on déplore, notamment dans les nations européennes aujourd'hui, n'est pas dû au caractère oppressif des régimes politiques qui sont les nôtres, mais à l'absence de visibilité des instances décisives de pouvoir. Donc, aussi paradoxal que cela puisse paraître du point de vue d'une tradition de la pensée politique qui a tendu à confondre pouvoir personnel et pouvoir despotique, je soutiendrai qu'une certaine forme de personnalisation du pouvoir est indispensable à la démocratie, pour autant que nous voulons encore donner un sens politique au terme démocratie. Voilà. Bien, merci beaucoup, Catherine Collin-Talon, pour cette belle conférence, très riche, très articulée. Je pense qu'il y a beaucoup de questions, en fait, sur ce que vous avez dit, dans ce voyage qui va de l'économie, de l'impersonnalité, finalement, du mécanisme économique, jusqu'à la question de l'impersonnalité, finalement, du système politique lui-même. Donc, la parole maintenant à la salle. Déjà, première question. Ça y est. Non, vas-y, Stéphane. Non, je voulais juste savoir si tu considérais pas qu'il y a un argument sociologique très simple qui va dans ton sens pour la thèse. S'il va pas dans mon sens, je suis d'accord aussi, je suis preneuse. Hein, c'est une collaboration, ça. C'est l'idée que l'une des choses qui limite l'emprise de l'imaginaire du pouvoir impersonnel, c'est aussi l'existence de classes possédant des intérêts. Tu vois, une sorte d'intermédiaire entre les pouvoirs impersonnels et les gens qui agissent réellement, c'est des classes qui ont des intérêts. L'idée, c'est que la phase contemporaine du capitalisme, elle s'explique aussi par une certaine dynamique de certains intérêts de classe. Est-ce qu'il ne faut pas introduire ici, mais pour aller dans ton sens... Mais tu n'as pas besoin d'ajouter ça, j'ai marché, j'avance ce truc. L'idée que c'est quand même que les pouvoirs systémiques, que la puissance systémique, quand elle existe, elle ne peut exister peut-être sur le long terme et dans sa dynamique propre que parce qu'elle correspond, parce qu'elle s'articule ou parce qu'elle exprime des intérêts de classe. Tu vois, est-ce que c'est... J'ai sauté la phase marxiste en quelque sorte parce que je pense que pour le marxiste, il n'y a pas de problème. Enfin, une tradition marxiste, il n'y a pas de problème sur le fait qu'il y a du pouvoir dans l'économie et que des pouvoirs d'intérêt. Donc j'ai sauté, je ne le sauterai pas si je développe ce truc sous forme de bouquin. Si je n'y attarderai peut-être pas nécessairement parce que ce n'est pas là. Même s'il y a des éléments chez Marx, la citation que je donnais, il y en a d'autres qui infusent cette idée que la logique de l'économie capitaliste a... l'économie capitaliste a le caractère d'un système. Bon, donc cette terminologie qui s'explique d'ailleurs, même s'il n'y a pas que ça dans la thèse du fétichisme de la marchandise, qui s'explique, dans lesquels il y a des éléments de conceptualisation de ce phénomène chez Marx, il demeure que, évidemment, en pensant en termes d'intérêt de classe, représentation d'intérêt de classe, des classes dominantes, possédantes sur la politique, tu as évidemment une possibilité de réintroduire de la responsabilité politique, en quelque sorte. Parce que, dans les interprétations du capitalisme contemporain, il y a effectivement certains auteurs qui vont beaucoup dans l'idée que c'est le développement d'une sorte de machine folle qui avance toute seule. Il y a aussi, dans le champ marxiste, des gens qui insistent, à première vue, David Harvey, ou en France, Lévy et Duménil, qui insistent sur le fait que c'est d'abord une sorte de nouvelle compréhension de soi-même, des intérêts de la classe dominante, qui ont été, en quelque sorte, les agents de ce qui apparaît à l'extérieur comme relevant de puissances anonymes. Ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un jeu, du plus ou moins, à l'intérieur de cette représentation. Le risque, mais je suis tout à fait d'accord pour analyser cette perspective-là. J'essaie en même temps de prendre la distance qui permet de ne pas tomber dans une théorie du complot. Voilà, Harvey ne le fait pas, d'ailleurs, du moins pour ce que j'ai lu de lui. Hein, c'est pas, le capitalisme des catastrophes, si tu veux, de je sais pas comment ça s'appelle, et que j'aime bien. Hein, j'aime bien ce qu'elle fait. C'est assez pertinent. En temps, il y a un moment où tu dis, attends, on va pas faire une grille d'analyse qui serait simplement une théorie du complot, même si un certain nombre de ces exemples sont patents. Donc c'est cette distance que j'essaie d'avoir. C'est ça. Avoir traité des pouvoirs impersonnels, des effets, de la reprise. Voilà. Et c'est en état de gestation, c'est un début, tu vois. Mais d'essayer de comprendre. Parce que je pense qu'une partie du personnel politique est aussi convaincue que ça dépend à quel niveau ils interviennent dans le système. Ils sont, une partie de ce personnel politique est aussi tout simplement parce qu'au niveau où ils sont, ils n'ont pas de marge de manœuvre. Et en même temps, si on regarde la façon dont les institutions internationales ont été constituées, ou les licences qui sont accordées à des grandes entreprises multinationales, l'absence de décision des politiques pour les brider, tu ne peux pas dire que le personnel politique n'est pas responsable, tu veux. Mais à certains moments de leurs interventions, je ne pense pas qu'ils soient tous, je veux dire, ils ne sont pas tous en train de, quels que soient les gens qui fréquentent dans les cafés ou les soirées, si tu veux, qui ne sont pas les mêmes que nous, mais sortis là, je ne pense pas qu'ils soient, qu'ils se conçoivent eux-mêmes de façon consciente, tous, comme des agents des intérêts de classe, et, enfin des intérêts d'une classe dominante et pas n'importe laquelle, etc. Donc c'est éviter de tomber complètement dans la théorie, comprendre le fonctionnement du politique et réintroduire de la responsabilité, et pas tellement de la responsabilité auprès des agents, demander aux politiques d'être responsables, mais faire comprendre que pour que la démocratie soit possible, il faut ôter dans la tête, je prends du vocabulaire de Weber parce que c'est plus simple, des dominés, hein, l'idée que les pouvoirs sont en vérité, que ce qui régit le développement de nos sociétés, c'est avant tout les pouvoirs impersonnels. Et en ce sens, tu veux, par ailleurs, c'est parti d'une réflexion où, par rapport à certaines conceptions de la démocratie comme faisant signe vers une exténuation du pouvoir, j'ai au contraire, je veux insister sur le fait qu'il faut qu'il y ait du pouvoir pour qu'il y ait de la politique. Parce qu'il faut, tout simplement parce que, et c'est ce fameux texte d'Anna Arendt que j'ai lu il y a très longtemps et qui m'avait donné à réfléchir à l'époque, où elle évoque la bureaucratie, où elle dit dans une bureaucratie complètement développée, quand on exige de la responsabilité des réformes, il n'y a personne, et avec personne on ne peut pas compter, on ne peut pas l'influencer, on ne peut pas le persuader, on ne peut pas exercer une influence sur lui. La bureaucratie est cette forme d'État dans laquelle il n'y a personne qui exerce du pouvoir, hein, et là où tous sont impuissants, nous avons une tyrannie sans tyran. L'idée qu'il faut du pouvoir pour qu'il y ait de la politique, du pouvoir personnel au sens du pouvoir qui engage des responsabilités. D'autres questions? Vincent. Oui, merci pour cet exposé. Moi, j'ai plein de questions, mais j'ai envie de rebondir d'abord sur la remarque de Stéphane, et puis sans tomber dans évidemment la théorie du complot, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a peut-être plusieurs niveaux d'intentionnalité. C'est-à-dire que l'intentionnalité, ce n'est pas forcément de manipuler les gens, et donc du coup de trouver des systèmes ou des médiations plus neutres pour le faire. De comprendre qu'il y a quand même une intentionnalité du système qui est de faire du profit, et que cette intentionnalité-là, elle produit des effets qui aboutissent à des formes de manipulation, voire d'auto-manipulation. Donc tu citais les analyses plus récentes de Marx, on peut penser aussi à Postum, hein, qui fait cette analyse dans Temps, Travail, Domination sociale, sur la manière dont les travailleurs sont eux-mêmes finalement les porteurs de leur propre domination dans le régime capitaliste, à travers une course à la productivité, dont ils sont les acteurs. Et donc là, il y a quelque chose qui finit par les dominer et qu'on peut caractériser comme étant impersonnel. Mm-hmm. Ça, c'est une première remarque. Enfin, voir que finalement, peut-être que la théorie du complot, c'est intéressant, pas comme ce qu'il y a à l'origine, mais comme ce qui sera un effet de quelque chose d'autre. C'est-à-dire que le complot, c'est ce qu'on perçoit comme un effet de quelque chose qui est effectivement une intentionnalité, mais qui n'est pas l'intentionnalité des agents ou d'une classe en particulier, mais d'un système tel qu'il se développe et auquel on participe tous pour une part. Donc ça, c'est la première remarque que j'avais envie de faire. J'avais une deuxième remarque aussi sur cette généalogie ou cette histoire des pouvoirs impersonnels, parce que si on regarde pour le coup la tradition historiographique des lectures de Smith et de l'économie politique, là, pour le coup, il y a toute une tradition qui essaye de montrer que les pouvoirs impersonnels, c'est aussi un gain. C'est-à-dire que c'est la manière dont on sort d'un type de personnalisation du pouvoir. Et donc, ce qui sera intéressant, c'est de voir comment on évolue à la fois historiquement, depuis, je sais pas, fin 17e jusqu'à aujourd'hui, avec des cycles. C'est-à-dire que d'un côté, les pouvoirs impersonnels, c'est quelque chose qu'on cherche à promouvoir, dans une logique progressiste, finalement, tous ces auteurs dont on parle et que nous, on catégorise comme étant des auteurs qu'on range du côté de la droite, en fait, ça n'a pas tellement de sens, c'était des progressistes à leur époque. Et donc, comment est-ce qu'à un moment donné, ça se retourne et on finit par voir quelque chose comme un caractère négatif dans ces pouvoirs impersonnels et on demande une forme de repersonnalisation. Alors, est-ce que ça veut dire que ces pouvoirs n'ont jamais été réellement impersonnels ou est-ce que ça veut dire qu'on a besoin de redonner une visibilité à ce caractère impersonnel? Donc ça, c'est ma deuxième remarque, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut donner un peu de, pas de nuance, mais en tout cas une histoire plus heurtée de cette catégorie pouvoir impersonnel. Et puis la dernière remarque que je ferai en rebondissant sur une séance qu'on a eue dans le séminaire, c'est-à-dire qu'il y a bureaucratie, marché, et puis il me semble qu'il y a eu cet exposé qu'on a eu avec Alain Gras, la question des techniques ou des objets techniques, des systèmes techniques, et qui pour le coup prennent très au sérieux la dimension systémique. Et donc là, comment est-ce que ça ne serait pas quelque chose qui nous permettrait de comprendre que là, c'est un tissu de domination dans lequel tout le monde serait plus ou moins pris, quelle que soit la position sociale qu'on occupe dans une société. Bon, oui. Trois remarques. Non, mais merci, tout à fait. Alors, sur le premier, les effets différents. Différents niveaux d'intentionnalité, c'est vrai. Je ne peux probablement pas réagir à tout ce qu'engageait votre première remarque. Simplement, il y a les intentions, bon, d'accord, et les effets non intentionnels, mais qui résultent de la réalisation d'intentions. Le problème, c'est que je suis bien d'accord, par exemple, pour prendre un exemple très simple, les actionnaires qui veulent plus de profit, ils veulent plus de profit, point. C'est tout. Bon, les actionnaires, le responsable d'entreprise. Mais le problème est de savoir, et là, j'en reviens à la Zarlichkeit, l'objectivité, c'est qu'une partie des effets de ce qu'ils visent sont anticipables. Et le fait que ça se traduise par des conditions, par du chômage, etc., c'est pris en considération. Et ça, au niveau de grandes institutions, il y a un certain nombre d'effets qui sont parfaitement anticipables, qui ont été anticipés. La pression qui est exercée sur les conditions de vie et la sécurité de l'emploi, etc., la flexibilité, que la flexibilité signifie la détérioration d'une grande partie des sécurités qui étaient celles de l'État-providence, c'est parfaitement anticipé par ceux qui prennent des décisions concernant les formes de libéralisation de la concurrence. On peut dire que ce n'est pas l'objectif, mais le thème de la Zarlichkeit chez Weber, c'est l'idée que le responsable, en l'occurrence il pense au responsable politique, doit précisément prendre, c'est l'éthique de responsabilité, prendre en considération les effets anticipables de ce qu'il fait, même si ce ne sont pas, à proprement parler, ses intentions. Et donc, si vous voulez, il convient dans ces effets qui ne font pas partie de l'intention de distinguer entre une partie d'entre eux qui ne peuvent pas être anticipés et d'autres qui peuvent l'être. Et c'est sur ça un des points sur lesquels j'ai insisté. C'est justement toujours à ce niveau-là que se situent les responsables économiques. C'est qu'eux, ils disent que contrairement à des responsables politiques qui raisonnent sur des cycles électoraux, ils ont une vision de long terme. Donc c'est au nom du long terme qu'on est prêt à faire des sacrifices à court ou moyen terme. Oui, tout monsieur, ce qui renvoie à la question du chômage, à la question des détériorations qui vont être conjoncturelles de l'emploi pour certains, c'est quelque chose... Quand ça fait 30 ou 40 ans que ça dit, on peut dire que c'était ce qu'on reprochait au régime communiste, on leur reprochait de dire que le communisme n'avait pas tardé à arriver, il suffisait d'attendre. Quand ça fait 30, parce que là, ça fait quand même 30 ou 40 ans que les systèmes étaient en train de faire, on nous sort le même argument, c'est-à-dire que ça n'a pas tardé. Ceci dit, pour une génération, ça aurait été parfois deux, on ne sait rien. L'argument du c'est conjoncturel, je parle pas de la conjoncture ou dans un prêt, mais je parle des processus qui sont en train, qui sont ce que j'appelle, pour aller très vite, le détricotage de l'État social, qui, bon, évidemment, il s'est fait en douceur parce qu'on n'est pas dans les États dictatoriaux, on fait ça lentement, etc. Mais si on prend ça, bon, regardez les chiffres sur l'augmentation des inégalités, et même en Allemagne, où je vis en ce moment, et où à l'extérieur on dit tout va bien, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, au point de vue du creusement des inégalités en Allemagne, ça commence à sortir, et au niveau des rapports officiels, les deux. Bon, donc ce genre de transformation, en fait, je pense que c'est plus qu'un effet de conjoncture. Je pense qu'il y a, si on réfléchit à la logique d'une politique économique qui, certes, n'a pas été anticipé, le virement des années 80 n'avait pas anticipé ce qui allait se passer jusqu'à aujourd'hui, mais qui quand même avait des intentions bien particulières, les effets, une partie des effets actuels étaient anticipables et ont été anticipés et ont été voulus. Et je ne pense pas qu'on puisse considérer que, notamment la fragilisation de la condition salariale, je ne pense pas qu'on puisse considérer que ce soit uniquement des effets de conjoncture. C'est en ce sens. Hein, c'est ceci dit. Alors là, c'est pour ça que j'ai dit, ça, il faut regarder ça dans le détail, aller voir les économistes critiques, parce qu'on a quand même des économistes critiques, ils se critiquent les uns les autres, c'est normal, ils ne parlent pas sous une même voix, mais c'est là-dessus qu'il faut aller regarder les éléments. Votre deuxième question, tout à fait d'accord, hein, tout à fait d'accord, je pensais à vous entendre quelque chose que je voudrais faire, parce que normalement, ça, si ça aboutit à quelque chose, c'est jamais qu'il y ait un morceau d'autre chose. Il est évidemment, j'ai écarté Smith en disant, bien sûr, l'interprétation de Hayek est sujet à caution, et là, c'était une porte ouverte. Pour un chapitre, on va regarder un peu ce que ça signifiait. Évidemment, c'était des auteurs progressistes, et évidemment, le thème des intérêts contre les passions, en gros, pour reprendre le titre d'un ouvrage, c'était l'idée qu'on allait vers une pacification de la société. Alors, la question que ça soulève, c'est apprendre cette partie historique qu'il faut faire, hein, pourquoi le pouvoir impersonnel a été, à certaines époques, considéré comme un progrès, pour aller vite, pour le dire de manière très simple, par rapport au pouvoir personnel, ça amène à réfléchir à ce qu'on entend par pouvoir personnel et pouvoir impersonnel, en fait. Parce que le pouvoir impersonnel, alors si vous prenez dans les traditions de la philosophie politique, le pouvoir impersonnel, c'est d'abord celui de la loi par rapport à la volonté arbitraire du despote. Hein. Et la loi égale pour tous, ce n'est pas, et la loi d'abord connue et égale pour tous par rapport à l'arbitraire d'une volonté individuelle, c'est autre chose que, c'est un pouvoir impersonnel en quelque sorte, ou c'est une forme impersonnelle d'exercice du pouvoir, mais ce n'est pas la même chose que le pouvoir du marché. Qu'est-ce qu'on entend par impersonnel? Par ailleurs, y compris, j'ai mon auteur de prédilection Weber, quand il parle, finalement j'ai fini par être convaincu qu'il y avait une certaine ambiguïté, parce que quand il souligne le caractère impersonnel de la bureaucratie, il insiste surtout sur le fait que son mode d'exercice est impersonnel, en ce sens que l'individu est traité, comme il le dit, sine ira et studio, donc sans colère et sans zèle, et puis il dit aussi sans zèle et par conséquent sans amour. La bureaucratie, je viens d'avoir des conversations assez longues avec Orange sur la base de appuyer sur, appuyer ça, vous savez, effectivement, bon, parfois c'est une voix impersonnelle, mais même quand c'est quelqu'un qui a une voix normale, il vous traite comme quelque chose d'impersonnel. Donc ça, c'est un des aspects de la personnalité. On met pas mal de choses sous l'impersonnalité du pouvoir, et puis on y met, ce sur quoi j'ai focalisé, l'irresponsabilité. Bon, c'est des contraintes systémiques, donc il y a l'irresponsabilité. Mais je suis ceci, donc c'est ce que m'inspire votre remarque, et j'étais parfaitement consciente, je voulais un peu regarder notamment des auteurs récents qui ont travaillé sur Smith et puis sur toute cette telle mouvance, il faut aller regarder de ce côté-là, et puis pour contester aussi l'interprétation et l'usage qui a été fait par Hayek, l'usage qui a été fait de la métaphore de l'invisible, ça c'est clair. Et votre dernier point, oui, les techniques, vous avez raison, la question est de savoir si les techniques, et le troisième truc, quand je disais je voudrais d'autres figures des pouvoirs impersonnels, c'est vrai que les techniques, j'ai rien fait là-dessus, et qu'il faudrait que j'y pense. Et par ailleurs, peut-être à ce moment-là, faudra-t-il faire distinction entre domination et contrainte. Revenir aux réflexions esquissées là sur les concepts, voire sur les modes sous lesquels s'exerce la pression, hein, la contrainte, la domination, le pouvoir, etc., pour prendre en compte par ailleurs les effets des techniques. Hein, tout à fait d'accord. Bon, le second point me paraît particulièrement important, c'est fait. Jacques. Catherine, oui, j'ai beaucoup aimé cet exposé et je suis très heureux d'avoir des documents écrits qui sont derrière pour trouver certains points qui m'ont échappé. Et la thèse fondamentale dans laquelle il y a ces deux ordres, hein, un désigné comme le marché, l'autre comme divers noms, bureaucratie, etc. Mais le politique et la thèse principale par cet effort pour lier les deux et pour sauver la possibilité qu'il y a d'une intervention du politique dans l'économie, etc. Et y compris à l'échelle du monde, etc. Alors, dans ce cadre, il y a une chose que j'ai bien aimée aussi, c'est finalement une sorte de préférence qui semble donner au thème du pouvoir sur celui de la domination. Et moi, je l'interpréterais comme ça. Ça certaine façon, la domination, c'est une domination sur les hommes. Tandis que le thème du pouvoir, il est plus large. Le pouvoir, il est sur des hommes, mais il est aussi sur un ordre social. Par exemple, lorsqu'on nationalise les banques, qui les nationalise, etc. Lorsque les travaillistes anglais, à la fin de la guerre, nationalisent le système de santé, est-ce que c'est le pouvoir de Bevan sur Churchill, c'est le passage de l'un à l'autre, ou c'est... Il faut se centrer sur le moment de la décision, des décideurs, etc. Ou bien... Alors, le pouvoir impersonnel, si l'on passe de la question de la problématique de la domination à celle du pouvoir, évidemment, on arrive à un concept qui est plus général, qui permet de comprendre qu'il y a un pouvoir d'en bas aussi. Ce qui fait que ça permet de ne pas attribuer toutes ces choses merveilleuses à laquelle nous vivons à des forces d'en haut, peut-être. Mm-hmm. Parce que ces forces d'en haut sont leur logique. Et de les supprimer. Donc l'hypothèse, c'est plutôt que beaucoup de choses dans notre merveilleuse civilisation viennent de forces, de pouvoirs d'en bas. Alors, la difficulté, c'est qu'à ce moment-là, ça n'interdit quand même pas de poser la question des sujets du pouvoir. Là où je rejoins. Mais alors, comment construire ces sujets? C'est sans doute, je pense... trop précipité de dire que ces sujets sont des classes sociales qui s'affrontent. Je pense qu'il faut être beaucoup plus prudent, mais que les classes sociales, l'articulation de classes, représente plutôt une sorte de clivage dans lequel vont se produire des types de sujets déterminés, transitoires, éphémères, etc. Donc, voilà, ce dont je méfierais peut-être, mais... Je ne dis pas que ça affleure, parce que j'ai vraiment beaucoup appris dans cet exposé. C'est l'idée qu'il y aurait une sorte de clivage entre ce qui serait attribuable à des individus, à des personnes, regroupées ensemble, et peut-être au système, à des forces systémiques. C'est plutôt la notion système qui me fait un peu peur, même la légitimité de ce concept en réalité. Voilà ce à quoi ça m'a fait rêver un petit peu, m'a fait rêver ce merveilleux exposé. T'es trop généreux. Pouvoir d'en bas, système. En système, je l'ai laissé en suspens. Je pensais d'ailleurs que tu avais travaillé, tu as quand même travaillé là-dessus. Les modèles cybernétiques, etc. Je ne sais pas où commence où finit la métaphore, où commence la conceptualisation. Et d'une certaine manière, il y a toujours de la métaphore dans la conceptualisation. Hein, c'est le problème. Hein, mais à quel moment... Mais en même temps, pour le destin, la fatalité, là, j'ai l'impression que je suis dans le métaphorique total. Ça rencontre même les textes superbes de Weber. C'est bien parce que si on est dans le mouvement de l'histoire. Il est un peu catastrophique, mais c'est quand même, il y a du mouvement, il y a quelque chose. Bon, OK. Mais bon, c'est pas là où Weber conceptualise, en fait, quand il évoque ça. T'as des métaphores qui sont le système, c'est lié à des modèles fonctionnalistes, où il y a déjà du conceptuel fort à l'intérieur même de la métaphore, et donc je ne sais pas exactement où faire passer la différence, et je n'ai pas eu le temps de chercher non plus, à quel moment par exemple Luhmann, il y en a d'autres peut-être qui connaissent mieux ça mieux que moi, donc à quel moment il a travaillé avec des modèles cybernétiques, j'ai pas creusé. Alors, la crise du sujet, oui, en fait, ça, c'était ce vers quoi j'allais, indépendamment de ce que vous avez évoqué, qui fait partie des trucs, je me dis, tiens, il faudrait que je fasse un chapitre là-dessus, etc., donc je n'ai pas fini en disant j'y suis encore, mais c'est-à-dire qu'après, il faut sélectionner, puis dire là, je ne l'aurais pas fait, mais bon. Mais, oui, la crise du sujet, ceci m'a amené, je dis ce que je n'ai pas fait ici, c'est de réfléchir sur la crise du sujet, la fameuse crise du sujet, bon, on parle plus à d'autres moments, plutôt que de parler en termes de crise, ce qui intéresse, c'est les formes de, tout le monde en parle, de subjectivation ou la constitution des subjectivités, et notamment la constitution des subjectivités politiques. Ce qui m'intéresse, si pour autant qu'il puisse cette question d'une crise du sujet, et on a parlé un bon bout de temps, la part politique des subjectivités a généralement pas été traité. Alors, quand tu regardes les types qui font de la psychanalyse, etc., tu tombes tout de suite sur des questions sur l'institution. Hein, l'institution, alors peut-être tradition lacanienne, post-lacanienne. Mais c'est l'institution en général. Tu détaches l'école d'une niveau historique et tu tombes dans l'anthropologique et paf, t'as l'institution, la loi, le père, tout ça qui fait défaut, l'hédonisme qui se développe et tout. Bon, j'aime beaucoup ça, le gendre, je trouve ça passionnant, ça se lit très bien, c'est bien écrit, c'est, etc. Mais j'aime bien les visions plus limitées sur le plan historique. J'ai de la matière, je trouve plus facile à... En tous les cas sur lesquels on peut avancer, des hypothèses me semble-t-il moins risquées et qui sont susceptibles, sinon, d'un traitement à la Popper, hein, d'une validation, invalidation, en tous les cas qui sont susceptibles d'être argumentées de manière historique et puis éventuellement avec des contre-arguments. Là, je pense qu'il y a des transformations que même nous avons vécues hein, sur notre vie entre la façon dont dans la constitution des subjectivités politiques, c'est-à-dire que le sujet manifestant à l'époque où les partis politiques étaient encore les formes structurantes, même quand on faisait partie des partis d'extrême gauche, micro-partis, etc., étaient formes structurantes de l'action politique, étaient liées à certaines représentations du pouvoir, et par ailleurs le pouvoir était quelque chose qui était à prendre. Maintenant, il faut être fou pour aller prendre le pouvoir. Vous savez qu'aller regarder ceux qui l'ont, comme ils ont peu de choses entre les mains. Et comme je plaisante, mais enfin, je veux dire, on n'a pas l'impression qu'en prenant le pouvoir, comme on disait, quelque soit une manière ou une autre, le pouvoir politique, on a la possibilité d'agir sur la matière sociale. Je pense que ça... Je reviens à mes questions. Je pense que sur ces fameuses crises du sujet hédoniste, etc., il faut faire la part d'une crise, et crise n'est peut-être pas le mot, en tous les cas, d'une modification du sujet politique, c'est-à-dire du sujet qui intervient en politique. Et je ne parle pas simplement des sujets, je ne parle pas simplement des dirigeants politiques, du Berufspolitiker, comme dit Max Weber, du politicien de profession, mais beaucoup plus, en vérité, de ces sujets politiques que nous sommes et pour lesquels ne pas faire de politique ou pas s'y intéresser est aussi une manière d'en faire, en fait. Et donc là, je pense que les pouvoirs... Là, c'est là où je voulais en venir. En gros, je vais vers une thèse qui consistera à dire il n'y a jamais de pouvoir qui soit totalement impersonnel, il n'y a jamais de pouvoir qui soit totalement personnel. Et d'ailleurs, je me suis amusée, je parlais de mon intervention sur Weber. Dans ce cadre-là, je suis revenue sur la définition que Weber donne de la domination, qui est tout à fait étonnante. Parce que quand on y réfléchit, elle évoque, et de l'obligation et de l'obéissance, elle évoque l'impératif catégorique kantien. C'est-à-dire que celui qui... Regardez la terminologie. Bon, alors, première chose, ils connaissent tous leur Kant par cœur, donc c'est pas étonnant qu'il y ait des termes qui viennent comme... Quand on regarde, c'est pas un impératif, c'est pas le contenu de l'impératif moral, mais c'est conçu comme un impératif catégorique parce que Weber insiste fortement sur le fait que celui qui obéit n'obéit pas pour des intérêts, par amour, etc. La domination, c'est l'individu obéit en vertu parce que c'est un commandement. Uniquement parce que c'est un commandement, il dit « um seiner selbst willen », pour le commandement lui-même. Par respect pour, non pas la loi, mais pour le commandement. Pas parce qu'il y a intérêt, pas parce qu'il aime celui qui lui est, etc. Or, quand on réfléchit bien, et bon, il y a d'autres, ils sont dans les analyses des textes weberiens, sont arrivés à la même conclusion que moi, sauf qu'ils n'y sont pas arrivés par le parallèle avec Kant, mais ils sont arrivés à la même conclusion, en fait... Dans la définition que Weber donne de la domination, il est impliqué que celui qui commande est par avance reconnu comme habilité à commander. C'est-à-dire qu'il est déjà, il y a déjà l'institution derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour qu'on obéisse uniquement à un commandement, uniquement parce que c'est un commandement, puisque ce sur quoi Weber insiste, c'est ce que j'appelle l'impératif catégorique, si vous voulez, ça suppose que celui qui commande soit déjà reconnu par celui qui est obéi comme étant qualifié pour ou habilité à commander. Ce qui veut dire que celui qui commande, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas vous, moi, commandant, donnant un ordre à quelqu'un dans la rue, c'est quelqu'un dont le pouvoir de commander est déjà institutionnalisé. Ce qui pose un problème, parce qu'après, quand vous tombez sur la typologie, vous avez d'un côté la domination charismatique qui est supposée être personnelle, et l'autre bout, la plus impersonnelle, la domination légale sous sa forme bureaucratique. Bon, il y a le truc intermédiaire de la traditionnelle, mais la charismatique... Alors, il y a le truc déjà de la traditionnelle qui est personnelle quand elle est opposée à la bureaucratique et qui fonctionne selon des règles quand elle est opposée à la... charismatique, mais même le pouvoir charismatique, vous apercevez qu'il a du mal à expliquer ça, il ne peut pas être, c'est la forme extrême, la plus personnelle de pouvoir, et il ne peut pas être purement personnel, sinon on ne pourrait plus parler de domination. Parce que ceux qui obéissent ne doivent pas obéir parce qu'ils l'aiment. Ils aiment celui qui domine. Ils ne doivent pas obéir pour les intérêts qu'ils en tirent. Ils doivent obéir parce que c'est un commandement. Bon, donc, alors, tout ça pour dire que un des aspects de ma démonstration va vers le fait que il n'y a aucun pouvoir à strictement parler qui soit strictement, je parle des pouvoirs humains, des pouvoirs économiques, des pouvoirs politiques, etc., hein, qui soit strictement impersonnel, ni de pouvoir qui soit strictement impersonnel. Maintenant, après, ça n'empêche pas qu'il faut quand même faire des distinguos, hein, pour ne pas... Et alors, par ailleurs, et d'autre part, l'autre aspect, et ça se rejoint à ce que tu es en train de dire, que ce qui m'intéresse, c'est comment, nonobstant, c'est-à-dire même s'il est impossible de discriminer, d'identifier des pouvoirs dont on puisse dire que de façon absolue, pour autant que ce sont des pouvoirs qui sont produits par des actions humaines, bien évidemment, ce qui est d'ailleurs le problème des techniques, ça c'est une question, hein, c'est parce que, qui sont des pouvoirs strictement impersonnels, il demeure que la représentation a des effets. Le fait que de telles représentations, qu'elles soient pensées dans les métaphores du destin ou dans les métaphores de loi naturelle, hein, ou du Tina, there is no alternative, ça a des effets sur les subjectivités politiques, les possibilités d'action qu'on envisage comme possible, excusez-moi, et voilà, possibilités, les actions qu'on envisage comme possibles, etc. Je vous remercie pour cet exposé. J'ai simplement une difficulté à comprendre comment vous répondez à Luhmann. Je suis un peu expédié, hein. Luhmann en une page, je ne sais pas. Non, c'est parce que je veux dire, c'est que, en fait, pour Luhmann, l'évolution, cette différenciation sociale, c'est factuel. Du coup, quand vous dites que vous allez réintroduire des éléments de personnalité dans le pouvoir, dans la politique, pardon. C'est d'un point de vue luhmannien, ça devient un argument normatif qui n'achoppe pas en fait, parce qu'on n'est pas. Enfin, attendez, je ne sais pas ce que vous voulez dire. J'ai l'impression que c'est à un moment donné, c'est vous acceptez son diagnostic social, mais en même temps vous lui rétorquez que tout n'est pas non plus comme ça. Il faut donc réintroduire la personnalité dans la sphère de la politique. Simplement, Luhmann va tout simplement du fait qu'il décrit le fonctionnement et qu'il a pensé en fait simplement le système comme étant impersonnel, pour lui c'est complètement dilué. Je vois pas comment on fait pour réintroduire ça. Excuse-moi, là j'ai été trop rapide ou j'ai compressé, hein. Parce que l'argument il y a des pouvoirs personnels ne vise pas Luhmann à proprement parler. C'est l'argument, ce que je visais chez Luhmann, c'est qu'il arrive à théoriser le politique comme il arrive à théoriser la sphère de la politique comme étant une sphère où nécessairement impuissante. C'était uniquement là-dessus que portait mon argument, c'est-à-dire, bon, je reprenais... En fait, vous voyez, bon, puisque vous le connaissez, j'ai pas encore creusé ça, mais pendant longtemps, j'avais pensé, à cause de ma grande ignorance, qu'il s'était fort peu occupé de Weber. Et curieusement, en fait, c'est pas vrai. Il y a des textes anciens dans lesquels il s'en occupe, et notamment lorsqu'il s'emploie, il reprend souvent, notamment des textes de la définition du pouvoir, etc., mais il refuse la catégorie de la causalité. Le fonctionnalisme ne veut pas la catégorie de la causalité. Donc il critique chez Weber tout ce qui est de l'ordre de l'efficace causal, le pouvoir compris comme efficace, sûr, etc. C'est à ces textes que je voudrais revenir, parce qu'à mon avis, ils sont très importants pour la cohérence de la conception de l'autopoïèse, de l'indépendance des systèmes, le fait de refuser, et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas penser une efficace de la politique sur l'économie. Mais il y a le substitut qui est l'histoire des irritations et de la réaction aux irritations, irritation à l'Umwelt et traduction dans chaque système, production en réaction à ces irritations d'une formulation de problème, mais dans des termes qui sont les termes propres du système. Et bon, c'est une manière et le fait, ce que je veux dire, bon, c'est une manière en fait de réintroduire de l'efficace sous un autre nom, pas tout à fait simplement sous un autre nom, je vous l'accorde, mais du coup, ça a pour conséquence que ça rend impensable une responsabilité d'acteur politique sur l'économie. Et je ne pense pas là introduire du normatif, mais simplement soulever un problème. C'est le problème que soulevaient les économistes en question dans des termes beaucoup plus simples que je citais. Vous voyez. L'argument, donc, mon développement sur le fait qu'il faut penser les pouvoirs comme pouvoirs personnels ne vise pas directement Luhmann. Parce que quand il le décrit, il pense bien des individus qui prennent des décisions, etc. Il le fait, ça. Mais c'est, lui, c'est la fermeture des systèmes, c'est la clôture des systèmes qui est le blocage. Pour penser une véritable responsabilité des politiques. Alexis. Oui, j'aurais une question, un ensemble de questions. On pourrait partir, voilà, là. Je suis sensible à l'idée, vraiment intéressé par l'idée qu'on peut aussi défendre l'action politique à partir du concept de pouvoir, ce qui est déjà pas évident. Mais alors, je me demande, en mettant le niveau de l'action politique en avant, s'il ne faut pas distinguer entre la question de la décision, de la responsabilité de ce type d'action-là, et un autre niveau, qui est celui de l'action sur les institutions, qui est un peu différent. Et bon, ça, c'est le cadre général. Pour moi, voilà, parce qu'on pourrait dire, depuis... C'est, chez les marxistes, on voit bien que la problématique de la réification de l'idéologie, il y a soit la question de la représentation du pouvoir, l'apparaître chose, ou alors la question de l'organisation. Et dans une optique weberienne, je me demande comment on peut rendre compte de cette distinction-là si on veut penser le pouvoir politique à la dimension. Attendez, excusez-moi, je suis totalement fatigué. La distinction, c'est quoi? Distinction, réaction sur les institutions et action. Disons, on pourrait dire responsabilité. Et question de l'action et question de la transformation des institutions et de l'action collective. Oui. Et je me demande si le concept de pouvoir et la question politique du pouvoir peut se penser de la même manière dans à ces deux niveaux. Sachant que, et après je pose ma question, oui. Il me semble que, enfin pour moi ce qui m'intéresse plus, c'est comment à partir du concept de pouvoir, qu'il y a de politique dedans, on peut réhabiliter la question de la transformation de l'organisation des institutions, plutôt que la question de la responsabilité. Je commençais à dire chez les marxistes, moi je vois chez Weber, je vois moi comment on arrive à articuler, c'est peut-être la distinction plus simple, entre exercice du pouvoir et organisation du pouvoir. Exercice du pouvoir, on peut en effet dire soit on met en œuvre une organisation, soit on essaie de la transformer. L'organisation, on se représente, on essaie de transformer les institutions. Et j'étais sensible au fait que vous disiez, mais il faut repenser la question de. Bon niveau des institutions, de la transformation des institutions supranationales, niveau économique. Mais comment on peut penser ça avec Weber ou dans les... J'ai pas bien compris. Alors, on arrive à passer à ce niveau de l'action sur les institutions ou de l'organisation du pouvoir. Attendez, je... Bon, en ce qui concerne la fin, quand je fais ces ouvertures sur il faut repenser la politique, je veux dire... considérer que la politique, en clair, que ça ne se joue pas uniquement au niveau national, ce qui ne veut pas dire non plus que ça se ne joue pas là, et ça se joue pour une partie d'entre nous très largement là, du moins dans ce qui nous est présenté, la représentation de la politique, par ailleurs toujours avec des politiques qui eux-mêmes sont prisonniers ou contraints par des décisions qui sont prises à d'autres niveaux, mais j'insiste toujours en disant que à ces autres niveaux, ce sont la plupart du temps les exécutifs des États nationaux qui financent ces institutions internationales, qui les ont promues à l'existence, qui nomment les individus qui les dirigent. De temps en temps, ils se plantent. Enfin, je veux dire, c'est pas toujours brillant comme on dit. Mais je veux dire, c'est pas l'idée de dirigeants nationaux qui seraient contraints par quelque chose qui serait au-dessus. Et qui ne porterait aucune responsabilité dedans, c'est une idée naïve. C'est à condition, en même temps, bon, si vous voulez, il y a des analyses de politisme. Je pense à des travaux allemands, il y a certainement l'équivalent en France, qui travaille, qui qui mettent, ça doit être répandu chez les politistes, qui mettent en évidence un déplacement du noyau du pouvoir effectif sur plusieurs décennies, de plus en plus vers les exécutifs. Et ça se voit déjà au niveau du fonctionnement de l'Europe. Le rôle des conférences interministérielles dans les prises de décision par rapport au rôle, même si on l'a renforcé un peu, du Parlement, ce genre de choses. Bon, quand j'évoque Weber, ce qui m'intéresse chez lui, qui m'est resté chez lui, c'est le lien qu'il effectue entre son intérêt pour le caractère personnel du pouvoir politique, qui apparaît non pas tant dans les textes que j'appelais métaphoriques sur le destin, mais qui apparaît dans ses réflexions politiques des années 17, 18, 19, et quand il appelle à contrecarrer le pouvoir de la bureaucratie en introduisant, d'ailleurs très largement, encadré par des processus constitutionnels, la possibilité d'élection du fameux chef plébiscitaire. Bon, même si c'est l'expression démocratie plébiscitaire de je ne sais plus quoi doit apparaître une ou deux fois dans son œuvre, il reste que le thème dans ses textes politiques, l'importance liée à une personnalisation du pouvoir pour lutter contre précisément cette impersonnalité qui est la mort, pour lui la mort de politique, ça c'est net. Et donc c'est ça qui m'intéresse chez lui, mais quand je fais cette ouverture vers, ou cette invitation à modifier le regard, je ne suis pas la seule, à modifier le regard pour comprendre où est-ce que se trouve la politique, où les décisions sont prises, ce n'est pas Weber qui est en cause. Lui, il résonne dans un monde qui est complètement nationaliste, enfin, en tous les cas, particulièrement chez lui, en tous les cas, parce qu'il y avait quelques exceptions quand même à la même époque. Non, ce n'est pas chez Weber qu'on va trouver ça. Hein. Alors, je reviens, c'est sur action sur les modification des institutions, exercice du pouvoir. Oui. Au fond, comment on passe de la question qui décide, qui agit, et celle de comment on organise, qui m'intéresse plus, et il me semble qu'il y avait beaucoup d'éléments dans votre intervention sur cette question-là. Simplement, elle est extrêmement problématique, à mon sens. Elle est difficile. Et comment vous penseriez cette question-là? C'est pas exactement la même. C'est un peu vague pour moi ce que vous disiez. Est-ce que vous pensez en termes de politique publique, par exemple, que les politiques travaillent en termes de politique publique? Institutionnelle, ou d'organisation du travail, ou d'organisation du marché, reprenons ça. Oui. C'est pas la même chose de chercher. Il me semble, c'est rien, c'est une question. De chercher qui doit décider quand, comment, à quel moment, et comment on peut aller personnaliser. Et la question de comment ça fonctionne, de fait, et comment ça pourrait fonctionner autrement. Moi, la question de l'organisation. D'accord. Okay. Oui, non. Effectivement, je n'ai pas. En fait, j'ai pas traité ça. C'est certainement oui. Parce qu'évidemment, il y a des décisions qui engagent des modalités d'organisation. D'une certaine manière, je me suis suité comme le disait Jacques, mais si c'est pas ça qui visait, d'en bas. C'est-à-dire, c'est plutôt je travaille sur des représentations. En fait, sur des représentations. Je ne dis pas que je travaille systématiquement sur la présentation, mais en l'occurrence, quand j'ai réfléchi, ce qui m'importe, c'est à la fois de démonter une représentation naïve et massive de ce que sont des pouvoirs impersonnels, et d'autre part, en raison des effets qu'elle a sur ce que j'appelle les subjectivités politiques, et je pense beaucoup plus aux dominés, en quelque sorte, que ceux qui exercent... La responsabilité, pour moi, elle importe, pour qu'on sache à qui s'adresser, pour qu'il y ait des sujets politiques participant à la vie démocratique qui sachent à qui s'adresser. Mais pour moi, quand dans les manifestations grecques, ils brûlent l'effigie de Merkel, les Allemands n'aiment pas ça, hein. Bon, surtout ils aiment bien Merkel, parce qu'elle est gentille, mais ça me paraît tout à fait normal, ça veut dire normal, c'est parfaitement logique, c'est une repersonnalisation, c'est normal, j'apprécie pas la démarche, etc., mais quand on y réfléchit, on a besoin de responsables, les sujets politiques qui se révoltent ne peuvent pas s'entendre dire simplement que c'est la logique nécessaire des marchés, etc. Alors on leur dit aussi institutions, d'accord, c'est institutions, FMI, etc., et puis l'institution, à un moment, elle a besoin d'être plus personnalisée encore, et on brûle, quand c'est qu'une effigie, c'est pas dramatique. Mais je veux dire, ce besoin pour le sujet qui révolte, pour le sujet qui subit les effets de décisions politiques et qui, en l'occurrence, subit des effets négatifs, le fait, ce genre de manifestation témoigne d'une demande d'adresse. À qui on s'adresse ? C'est ça sur quoi je travaille. Et vous reprenez, puisque j'étais en Allemagne, j'en ai profité pour relire le procès de Kafka, et il y a des formules extraordinaires, justement vers le début, où en fait il cherche des portes, il frappe, il ne sait pas à qui s'adresser, c'est ça le problème. Il n'a personne à qui s'adresser. Il arrive à un certain nombre de choses plus ou moins drôles, etc., pour nous, mais, puisque c'est supposé être drôle. Mais le thème qui revient continuellement, c'est qu'il manque la personne responsable à qui s'adresser. Il a toujours eu un peu les gens qui n'y a personne. C'est le topo là-dedans, il n'y a personne. Le topo d'Anna Arendt. Donc je travaille beaucoup plus sur cet aspect-là que sur l'autre aspect, qui par ailleurs, bien sûr, concerne la politique. Mais je pense que l'action sur les institutions. C'est pour ça que je passais à parler en termes de politique publique, mais sinon de politique publique également. Que faire en termes de politique, non seulement en tant que sujet qui réagit des politiques et qui est du mauvais côté de la barrière, en quelque sorte, mais également. Tous les sujets sont aussi aptes habilités à formuler des souhaits en termes d'organisation. Simplement, autrefois, entre guillemets, il fut un temps où ce qui servait de médiation à ces formulations qui ne peuvent pas être strictement individuelles, c'était les partis politiques ou éventuellement des syndicats. On pensait des transformations possibles des institutions et on avait des programmes pour ces transformations. Bon, maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas de transformation, mais ça a lieu par l'intermédiaire d'un personnel technocratique très largement. Mais je ne sais pas si ça répond exactement à la façon, la façon dont vous quadriez le problème. Sur le rapport entre les deux, en fait, cette question et une autre. Et effectivement, je ne m'oriente pas sur une réflexion sur, sur ce que sont aujourd'hui, quelle est aujourd'hui la structure des institutions et une réflexion sur la manière dont il serait souhaitable que ça évolue. Mais ça fait partie du problème, effectivement, la manière dont il souhaiterait qu'elles évoluent pour redonner et de la responsabilité aux acteurs politiques et la voix à ceux qui ne font que subir les effets des politiques. Ça relève aussi des institutions, c'est sûr. Une question rapide sur enfin deux peut-être, mais une sur la place, enfin la manière dont Arendt vient modifier la constellation que vous avez dessinée, en fait. Parce qu'au départ, on a l'impression que justement, il faut un sujet auquel, enfin, il faut quelqu'un à qui on s'adresse, donc il faut en gros une responsabilité. Mais donc, du coup, ça. En fait, vous faites valoir finalement un concept de pouvoir, donc c'est ce que vous évoquiez en citant déjà Arendt, qui puisse contrer à la fois la représentation d'un destin et celle d'un ordre naturel. Mais ce concept de pouvoir, j'ai l'impression qu'il y a un glissement entre la première définition que vous donnez, qui est celle de Weber, qui est plutôt identifiée à la domination, et puis celui d'Arendt, où c'est un pouvoir. Mais du coup, dans ma représentation, le concept de pouvoir chez Arendt, à la fois, il coïncide avec ce que vous dites, et à la fois, il s'oppose au concept de domination. Et donc, je me demandais si quand vous en appelez à une responsabilité, vous en appelez finalement derrière à un pouvoir, au sens de Weber, ou à une domination même, plus personnelle. Enfin, voilà, quel est le concept qu'il faudrait présupposer à partir duquel on peut diagnostiquer ce manque dans les deux. Alors, Katia, je ne sais pas si ça va vraiment répondre à votre question, mais pour préciser le sens de ma réponse, j'ai cité un passage d'Arendt qui avait fait tilt quand je l'ai lu un jour, cette histoire. Quand on s'adresse à personne, quand on répond, il n'y a personne, etc. Ça a certainement joué un rôle important il y a très très longtemps que j'ai été repassé. Mais il est clair que Arendt, bon, ça c'est clair, quand elle aborde, et notamment dans ses textes, la notion de pouvoir, elle expédie. Rapidement sans doute, mais elle expédie comme le concept qu'il faut écarter, c'est celui de Weber, celui de Jungnel. C'est le même, hop, et elle l'écarte. Donc, ce n'est pas le concept de pouvoir d'Arendt que je veux reprendre. Ce qui n'implique pas que j'ai pas intéressant de discuter, mais ce n'est pas ce pouvoir que je reprends. C'est juste cette remarque sur le pouvoir bureaucratique. Celui de Weber, du coup, enfin, je dirais, est-ce que c'est la domination, enfin, c'est c'est le pouvoir bureaucratique de Weber. C'est la domination bureaucratique de Weber. Enfin, c'est pas ça qu'elle a en tête. Elle parle pas de Weber à ce moment-là. Mais quand on réfléchit à ce qu'elle évoque là sous le terme de bureaucratie, c'est assez semblable à ce que disait Weber. Il y a pas de responsabilité. Ça revient à ça. Hein. Bien sûr, le concept de pouvoir qu'elle essaie dans ce texte, d'ailleurs, puisqu'il y a plusieurs opuscules dans le texte où elle aborde le pouvoir, domination, etc., il n'est pas weberien du tout, il est volontairement anti-weberien, et à cause notamment, alors c'est autre chose, j'ai laissé de côté au rapport entre pouvoir et violence, hein, qu'elle pense tout à fait différemment. Dans l'hétéronomie, mais est-ce que du coup, vous voulez réinvestir un concept weberien de pouvoir pour pouvoir repenser la responsabilité ? Je pense que c'est un concept beaucoup plus weberien au sens où je le pense d'une part lié à la décision et dans le cadre d'un rapport dissymétrique. Il y en a qui décident, ils ne décident pas tout, hein, mais je veux dire, il y a une relation de pouvoir quand il y a une instance A, peut-être un individu, un groupe individu, qui prend des décisions qui ont des effets sur d'autres individus qui n'étaient pas partie prenante à la décision. Bon, pour aller vite, hein, ce serait pour moi ça. Je dis pas c'est le pouvoir, c'est l'essence de pouvoir. C'est la définition que j'ai, l'acception avec laquelle je travaille. Et il est évident que Arendt, pour des raisons qui sont les siennes, elle va vers un autre concept parce que, c'est pas la seule raison, mais parce que d'entrée de jeu, elle identifie la définition de l'état de Weber qui est liée au pouvoir. Bon, c'est un peu compliqué. Elle prend la décision que Weber donne de l'état comme monopole de la violence légitime. Elle prend violence au sens de violence physique, quasiment. Ce qui n'est pas si... Même si Weber dit violence physique, mais bon, j'essaie de montrer ailleurs que c'était une modification. En fait, c'est la garantie... C'est la garantie du droit, en fait. C'est le monopole de la garantie du droit. Et donc, ça, elle l'écarte complètement. Elle se focalise sur la violence physique et raison pour laquelle elle balance tout, y compris, elle ne discute pas sa conception du pouvoir, à proprement parler. C'est pas la seule raison. Elle a aussi ses objectifs propres qui font qu'elle construit son concept de pouvoir de manière différente. Mais encore une fois, c'est pas son concept de pouvoir que j'utilise là, c'est clair. Il faut que je sois clair. À partir du moment où je la cite... Juste une remarque, mais je sais qu'il est tard, mais c'est il y a une autre métaphore que vous citez pas, mais qui est citée par Adorno et Horkheimer à un moment, qui remplit un peu la même fonction. C'est c'est pas vraiment une métaphore, je sais pas si c'est une métaphore, c'est les monades, enfin la monadologie. Ils citent Leibniz et ils disent en gros, c'est le marché, mais bon, c'est un détour pour penser le marché, mais via une théorie de la peine et du châtiment, enfin de la prison. Et en fait, ils disent, c'est pas Dieu qui coordonne chacun suit son mouvement, etc. Donc Dieu coordonne les conduites. Et à un moment, ils assimilent Dieu à la direction, et on pense, il y a un jeu en fait avec la direction de l'entreprise. Et c'est une sorte de métaphore. Vous montrerez, vous finirez les références, c'est pas ça. Non, mais je suis en quête, en fait. Et bon, j'ai pas l'intention, ça serait très prétentieux, peut-être d'ailleurs un peu vain, d'épuiser toutes les métaphores dans lesquelles j'en ai identifié deux qui me paraissent. À la fois, bon, il est bien clair qu'elle métaphorise le même phénomène et qu'elle les métaphorise dans des registres évaluatifs totalement différents, mais il peut y en avoir d'autres. Enfin, je me suis posé la question de savoir s'il y avait d'autres, mais ça m'intéresserait. S'il n'y a plus de questions, je peux peut-être avancer une remarque et une question. Donc la remarque serait une remarque en fait sur le statut du marché, sur le fait qu'il est à la fois une puissance d'un côté, mais que de l'autre côté, il semble dépourvu de fonctions d'oppression, de fonctions de domination. Donc dans le schéma que vous présentez, au fond, on a cette idée que le pouvoir politique ou la décision politique intervient soit comme interférence dans le marché, une capacité de modifier les éléments du marché avec des savoirs appropriés, asymétriques, par exemple, qui permettent de maîtriser tel ou tel aspect du marché, donc de modifier certains paramètres du marché. Et d'autre part, la décision politique comme capacité de donner au marché une plus ou moins grande place, c'est-à-dire d'ouvrir plus ou moins le marché. Par exemple, le cas d'Hirschman que vous citiez, bon, qui renvoie à l'idée que les élites ou l'établissement du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle aussi d'ailleurs, pensent que pour pacifier la relation sociale, finalement, il faut multiplier les opportunités de la société marchande et donc élargir le statut du marché pour tenter de convertir des relations conflictuelles en relations de concurrence pacifique. Et qu'une fois que le politique est intervenu, une fois qu'on a créé un cadre propice au marché, alors on a des effets systémiques, effectivement, de fonctionnement du marché, que là, me semble-t-il, les effets de domination, les effets d'oppression par le marché lui-même, dans sa forme pure, disparaissent. Alors, soit par, quand le marché atteint son équilibre par tâtonnement dans la version d'Hayek, soit quand il atteint sa forme immédiate d'équilibre dans la version du théorème de Haro de Breu, où là, quasiment immédiatement, les acteurs drainent les capitaux vers les fonctions les plus productives et l'allocation se fait dans le cadre de l'efficacité maximale. Donc là, il y a effectivement une harmonie des intérêts, les effets de domination disparaissent quand on est en situation de marché. Alors, il me semble qu'il y a quand même là des éléments de débat avec des situations un peu dissonantes. Je vois une première exception déjà avec, si on prenait par exemple les thèses de certains libertariens comme Nozick, qui disent effectivement que dans le marché, il n'y a pas de domination, il n'y a pas d'effet de domination, mais ça ne veut pas dire forcément que tous les intérêts sont déjà satisfaits. L'exemple célèbre de Nozick dans l'Anarchie-État-Utopie, c'est le cas du marché matrimonial, dans lequel il y a une vingtaine d'individus qui doivent s'apparier. Et donc, quand on suppose que des couples se forment, deux individus commencent à se choisir entre eux, donc ils privent déjà les autres du choix d'eux-mêmes, parce qu'ils se sont déjà choisis. Puis les deux seconds se choisissent eux-mêmes, et donc ils privent déjà. Et quand on descend dans la pyramide, finalement, ceux qui arrivent à la fin sont privés de la possibilité de faire autrement que des choix contraints, des choix forcés. Mais dit Nozick, il n'y a pas d'harmonie des intérêts, contrairement à la représentation du marché. Mais il n'y a pas de domination quand même, parce que finalement, dans ce cadre-là, il n'y a pas d'intention de dominer. Donc c'est un effet inintentionnel. La non-satisfaction des intérêts, c'est un effet inintentionnel des appariements qui se sont construits, mais il n'y a pas de domination. Alors, troisième étape, il semble qu'il y ait des réponses à ça, mais des réponses anticipées. Enfin, il semble que l'une des réponses qui ouvre un peu le débat, c'est la réponse de Sartre, au fond, dans la critique de raison dialectique, où Sartre montre finalement que les relations de marché, c'est des cas particuliers de relations sérielles, des relations de sérialité dans laquelle chaque individu, finalement, est extérieur au reste que forment tous les autres, en fait, et distributivement, chacun est extérieur au reste, mais qui subit, finalement, les effets du reste, et qu'en subissant les effets du reste, au fond, il a des effets de contrainte, il subit des effets de contrainte, un peu comme dans une situation où il y a une seule porte pour, dans une situation de panique, faire sortir 100 individus à la fois. Personne ne se domine dans cette situation, enfin, tout le monde produit des effets d'oppression, parce qu'il faut bien écraser les gens pour pouvoir sortir, même si, intentionnellement, il n'y a pas d'effet de vouloir les dominer. On dit ça, au fond, il y a des effets de domination par la sérialité, qu'il y ait une intention ou pas. Et donc du coup, c'est-à-dire que même dans des modèles finalement de marché, dès lors que la relation de sérialité existe, on peut se demander si en effet il n'y a pas des relations, des formes d'oppression, de domination dans le cadre même de l'organisation du marché. Bon alors, il me semble que c'est au moins un débat qui est ouvert, c'est-à-dire que la relation de domination, elle n'est pas forcément liée à la décision politique d'ouvrir le marché ou de le fermer ou d'interférer sur le marché, mais que dans la relation du marché lui-même, finalement, il y a peut-être des éléments de domination. En tout cas, c'est peut-être un débat intéressant à avoir. Donc ça, c'était ma remarque. D'accord. Et la question, mais je la pose parce qu'on l'a déjà posée ici, on a déjà un peu discuté, et donc là, je voulais vraiment avoir un avis de spécialiste de Weber. C'est en fait la question du choix du terme « domination » chez Weber, en fait. Est-ce que c'est un terme approprié pour traduire le Herrschaft weberien, dans la mesure où, dans certains cas que décrit Weber, par exemple, il explique dans « Le pouvoir légal rationnel », la forme de la domination s'exprime même dans le cas d'un fonctionnaire qui conclut un libre contrat du travail et qui satisfait son propre intérêt, finalement, dans la conclusion de ce contrat de travail, en obéissant, finalement, à un pouvoir qu'il considère, par ailleurs, comme légitime. Alors qu'on a tendance, par ailleurs, à considérer que dans le concept de domination, enfin, au moins dans l'aspect français, dans l'aspect anglais de l'acception du terme, il y a quand même un désintérêt pour le dominé. Enfin, le dominé subit un dommage, et qu'on associe au terme de domination un dommage. Donc, est-ce qu'on peut garder, finalement, ce terme de domination? Est-ce que c'est pas plutôt, chez Weber, quelque chose qui est entre l'autorité et le pouvoir plutôt que dans la domination, au fond? Donc, ce serait ça ma question sur Weber. Alors, parce que je sais qu'il y a des commentateurs qui hésitent, par exemple, Kahlberg, domination, c'est pas un bon terme, en fait. Oui, dans son livre il dit, je préfère pouvoir que domination, plutôt que... Il a traduit par power. Oui, il dit power. Je préfère power que domination. Et par ailleurs, comment s'appelle-t-il celui qui a écrit ce livre sur Weber et Habermas, Saint-Omer. Bon, Saint-Omer aussi est hésitant. Il dit, je suis pas sûr. Non, mais en ce moment, on travaille sur la traduction des textes sur la domination. On l'a convaincu. On traduira domination. Vous pensez que c'est domination le terme? Je reviendrai. Mais on a eu une discussion parce qu'on est en train de travailler à tout un groupe qui travaille. D'accord. Et Yves est dans le coup. Donc, on a discuté. Oui, sur la première remarque. Oui, bah en fait, sur le premier truc, tout ceci, en fait, est fort intéressant, et c'est pas un truc du pays, ça m'intéresse, j'ai jeté un coup d'œil. Mais oppression, qui est des effets d'oppression? J'ai dit, est-ce qu'il y a des effets dans tout ça, moi, des intérêts? Bon, il peut y avoir des phénomènes d'oppression. J'ai essayé, tu sais, d'avoir un concept, enfin, plus exactement, je suis partie, effectivement, d'un concept weberien de la domination lié au commandement. Hein. Ce qui ne veut pas dire que nécessairement on doit entendre ça par domination. On va tous commencer par les mêmes remarques que Weber quand il commence le thème. Domination se dit en de multiples sens, ou pouvoir, on met des tas de trucs différents dessous. Donc on essaie d'y voir un peu clair, on essaie de distinguer. Donc il commence par cette distinction que j'évoquais, la domination par autorité, la domination par... Et en fait, ça n'épuise pas tout. Mais c'est évident qu'en tête, il a d'un côté l'économie, d'autre côté la politique, ça c'est clair. Et puis, il choisit de garder le terme domination pour la seule politique. Alors, si moi j'ai gardé cette acception, c'est pas parce que je pense que ce soit la seule possible, mais c'est parce que je pense en revanche qu'il est important de bien distinguer les relations de pouvoir qui s'effectuent par le biais du commandement des autres. Alors, il se trouve qu'il l'a appelé domination, donc j'ai gardé cette notion-là. Alors, dans ce que vous évoquez, par exemple, l'exemple du marché matrimonial, effectivement, donc on a effectivement là des ou les analyses de Sartre, si je comprends bien. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on a là des exemples d'analyse des effets d'interaction sociale non intentionnelle. Ne sont pas nécessairement l'harmonie des intérêts, la satisfaction de chacun, et qui, dans lequel il y a des désavantagés en quelque sorte. Et la question est de savoir en termes où on en parle, c'est-à-dire est-ce qu'on parle de domination ou pas. Moi j'aurais tendance à éviter le terme domination dans ce cas-là, mais parler d'effet d'oppression, d'effet de contrainte, d'effet de désavantage, etc., ça ne me poserait pas de problème. Je pense que là, tout en accordant que tout ça est intéressant et que j'irai d'ailleurs jeter des coups d'œil, je pense que ma différence serait simplement terminologique. Et pour revenir à la terminologie, domination Weber, on est nombreux hein, sur le terrain, parce qu'on traduit d'une part... c'est Isabelle Kalinowski qui s'en charge, enfin plus ou moins rattachée au groupe. Elle traduit la sociologie, la théorie de la domination qui n'était pas encore traduite. Aurélien Berland traduit La Ville. Et je traduis avec mon amie Elisabeth Kaufmann, qui a traduit les textes politiques, je retraduis les textes sur les communautés, qui sont rassemblés, parce que dans l'édition critique, ils ont été rassemblés, etc. Et il y a encore quelques textes. Enfin, tout ce qui tourne autour de la domination, en fait. Hein, il y aura trois ouvrages différents qui vont paraître. Bon. Chez La Découverte, ça va être un certain temps. Et donc, on a des discussions, je ne dis pas qu'on homogénise, hein, on n'est pas en train de créer une norme de la traduction weberienne, ça c'est clair, mais on a des discussions entre nous sur les traductions, et d'abord sur les difficultés, parce que des fois, on ne sait pas comment il faut traduire, et ce n'est pas simplement une question de sémantique, on ne sait pas exactement ce que Weber veut dire, sans parler du vocabulaire de la médiévistique, etc. On travaille en groupe de temps en temps, régulièrement. Et par conséquent, Herrschaft, évidemment, puisque c'est tous ces textes qui ont rapport à Herrschaft, on a discuté. Notamment, Isabelle Kalinowski avait tendance de traduire assez souvent par autorité. Alors, et pouvoir, moi, je l'écarte. Bon, je pense qu'elle est revenue à domination. Parce que le problème, c'est que dans des passages... Weber peut, dans la même phrase, utiliser le terme Herrschaft et autorité. Sans faire d'ailleurs d'opposition, il faut le dire. Hein. C'est simplement, il finit par garder Herrschaft. En revanche, il fait une distinction entre Herrschaft und Macht und Herrschaft. Et donc, si on traduit, je ne sais pas comment ça, je ne me suis plus souvenir de la façon dont on traduit Calbert, mais si on traduit Herrschaft par pouvoir, on est démuni pour faire l'opposition, la distinction entre Macht et Herrschaft. Sauf à traduire peut-être Marx par puissance. Mais à ce moment-là, le Mächte, il me semble parler des puissances qui dirigent plutôt que de parler des pouvoirs qui dirigent. Parce que quand Weber parle du capitalisme et de la bureaucratie en disant ce sont les Mächte qui déterminent la vie, si on traduit par pouvoir, ça ne va pas être le terme pouvoir qu'il définit. Mais bon, donc en fait, c'est un peu compliqué. Alors ça, j'ai déjà un premier problème qui est... Les traductions doivent permettre de rendre compte. Je ne dis pas qu'il faut systématiquement, hein, ça c'est qu'on en est à peu près tous d'accord, avoir des traductions qui laisseraient penser que, sorte de bijection dans laquelle à chaque terme dit allemand, il correspondrait à un terme français différent et vice-versa. Hein, parce que de fait, c'est impossible. Enfin, ça aboutirait à une odeur. Mais en revanche, là où Weber a voulu marquer des distinctions, il les a marquées même dans un appareil de catégorie. On est bien obligé de les marquer aussi. Donc ça, c'est un des problèmes. Alors, quant à la dimension, quelque sorte, péjorative, peut-être, qu'il y a dans domination, il me semble que, dans le terme péjoratif, je ne sais pas, Il y a le dominus, si vous voulez. Le dominus, c'est le her, c'est ça le problème. Sur le plan de l'histoire des notions, le terme her, à un moment, est venu traduire dominus, et le terme herrschaft est venu de traduire le type de pouvoir qui est exercé par le dominus. Et donc, c'est la raison pour laquelle ça ne me choque pas particulièrement. Je suis pas... c'est aussi lié au fait que j'ai tendance à penser la politique en termes de pouvoir, que ça ne me gêne pas de reconnaître qu'il y a de la domination dans le pouvoir, dans la politique, et que même peut-être il est souhaitable qu'il y en ait, hein, même si c'est quelque chose par à quoi, que ça structure, que la domination structure pour partie la politique ne me gêne pas. Et c'est pour ça peut-être que je suis moins sensible, je suis moins réactive aux connotations éventuellement... négative, en fait, que l'on peut entendre dans le terme domination. Alors, je vous dis, on a finalement, je crois que ça sera traduit par domination. Pour les raisons que je vous dis, et peut-être pour d'autres raisons que mes collègues, parce que je n'étais pas là dans toutes les discussions, quand je suis partie en Allemagne, j'y suis depuis quelques mois, il y avait encore du flottement, et Yves Saint-Omer hésitait encore, mais aux dernières nouvelles, il a même convaincu Isabelle Kalinowski. Je suis désolée. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, donc merci beaucoup en tout cas et de nouveau pour cette belle conférence. C'était la dernière séance du séminaire, donc on vous donne rendez-vous désormais l'an prochain. Un autre séminaire qui continuera sur les questions aussi de domination, de pouvoir, de hiérarchie sociale, de prestige social, plutôt orienté sans doute vers l'anthropologie, vers les questions de l'anthropologie et de l'ethnologie. Donc rendez-vous en octobre prochain. Merci et à bientôt. Merci. Merci. Non, rien, merci. Merci à la conférence.